En direct du bord des studios York Media. Ça a comme buggé. Vous écoutez l'épisode numéro 116, post-mortem, de la saison 2023-2024 de la soirée du podcast. Yeah! Feutry. Plaçage de cam. Ah, mon layout est fucké. Excusez. Bonsoir tout le monde. Excusez, on est en train les cams. On est là dans le chat. Ça dit comme commencer les gars. Puis on est prêt. Puis finalement, on n'est pas prêt du tout. Ouais, mais on voyait pas. On était placé comment? Genre mon stream deck est fucké en même temps. GF est toujours blanc. Tout le temps. Ouais, toujours. C'est mon temps normal. GF blanc. C'est ça. Donc, l'alignement de départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 21, Dave Thibodeau. GF, c'est un vampire. Le numéro 98, Alex, le vampire Galipo. Hey. Le numéro 31, Jeff Mallette. Le numéro 37, Nick Chalifou. Ah, yes. Oh, le numéro 75, notre animateur, Jeff Co. J'écoutais pas partout. Solo! Solo! Solos! Pas ce mortel, mesdames et messieurs. C'est un petit bout qui groovait. Le stream deck est fucké. J'en vois pas les DB descendre, mais je vais fader out pareil. Slow fader, comme ça, tout le monde. Voilà. Comme un pro, ça n'a même pas paru. Voilà. Ça n'a pas paru. Et voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la soirée du podcast au mois de mai. Donc, édition du post-mortem parce que. Pas de série. Pas de série canadien, encore une fois, mesdames et messieurs. Pas de série. Pas de série. Cool. Fait que comme la saison est finie, GF se pointe maintenant. Eh ouais, c'est ça. Voilà. Sujet, voilà. Je suis content, pas de série. Tu... Ouais. Je suis content, certains. Ben, moi, tout en fait, même c'est un. La vérité, c'est que c'est un rêve d'enfant. C'est mon rêve d'enfant. À toi? Ça fait des années. De faire un podcast avec un rêve d'enfant. J'étais tout jeune quand j'écoutais la soirée de podcast. On réalise des rêves. On va aller faire le pre-show. On réalise des rêves d'enfant. Oui, toujours. Rêve de vieux bat. Ah. Et voilà. Donc, on salue tout le monde dans le chat en ce moment. Donc, Monseigneur Neveu, bonsoir. C'est un record. Power Jeff, Drekel qui est là. Hein. Le retour de Mallette. Oui, c'est une grande boys. Soirée de fête ce soir, mesdames et messieurs. Ouais. Baisse le son au cas où que je parle. Baisse le son, on va le baisser quand tu parles. ça me prend, mine. On se prépare. Hey, on est en vacances, c'est ça. On peut bien faire ce qu'on veut. Donc, soirée de podcast, épisode de discussion ouverte sur les activités du Canadien Montréal de la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle bien sûr avec passion et boisson, des sujets chauds couverts par des gars chauds, pas rodés du tout, là, pas préparés. Ouais, pas rodés depuis l'épisode 1. Ouais, voilà, c'est de ça. La saison de... qu'on a commencé. Ce serait là. Pas nous autres. Oh, je pourrais même dire depuis l'épisode 1. Ever. Ever. 1-1. Oh, oh, ouais, je reploque. Je pensais pas que ça allait faire du son comme ça. Je pensais juste. Oh, voilà. C'est démasqué. Je sais pas. Je pense que oui, peut-être que oui, peut-être que non. Oui, c'est vrai. On dirait qu'on a un cas. Ah, si. Une clé, tabarnak. On a trouvé la clé. J'ai tout fucké. J'aurais pas dû faire ça, j'ai tout fucké. Bon. Bon. Ah, voilà. On commence. Ah, c'est bon. C'est bon. Et c'est réparé. Bon, voilà. Oh, boy. Il y a déjà un bon commentaire. Après avoir planté Stanley 25, est-ce que Mallette va planter? Processus. Avoir dans le rester jusqu'à la fin du podcast, tout le monde, pour le Carland. C'est qui pour ça? C'est Mathias Brunet puis Snake Boisvert. Ah, okay. Ouais, c'est ça, c'est l'attardé qui a. Bon, qui fait que la réponse est oui. La réponse à votre question est probablement. C'est un attardé qui répondait dans le chat souvent. Puis Mathias dit Chris, je pense qu'il a l'air de connaître son stock. Puis aujourd'hui, ils font des podcasts ensemble. Ah, nice. C'est un réalisateur. Tout le monde nous imite, Esti. Ouais. On est les vrais qui disent rien, puis la merde. Et cette merde vous est rendue disponible grâce à nos trois Patreons. Toujours. Nous autres, on le sait, puis on le dit. Qu'on dit de la merde. Ah, mais nous autres, c'est, vous savez ce que vous avez. Là. J'ai tout spoilé. Ouais, hein, voilà. Le show fini. Bonne soirée tout le monde. C'est terminé, mesdames et messieurs. Donc, nos trois Patreons, encore une fois, Jeff Lavoie qui est dans le chat, Power Jeff, yeah. Marc-Antoine Vien et Eric Laforce, a.k.a. Trent Faucon. Woo! Ah ouais, c'est vrai, lui, il a son animation. Toujours, que c'est hot, toujours ça, utiliser l'animation de Trent Faucon. J'ai jamais vu ça. C'est... Mais parce que tu viens pas. C'est ça. C'est... Welcome to the show. Ça fait un an qu'on fait ça. Ah, ben voilà. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chose à dire sinon, à part que. On a encore les mêmes trois excellents Patreons qu'on remercie de donner une pièce par mois. Ça, ouais, ça, un jour, excellent. On va se ramasser avec une caisse de bière. Ça, ouais, va, être ouais. ça, ça va être ça. Donc, voilà. J'avais offert d'ailleurs aux gens Patreon de nous donner leur plus et leur moins et la prédiction pour la prochaine saison. Il y a eu zéro commentaire. Donc, dans le chat, préparez tout de suite, si vous êtes là, vos plus. Mais en fait, Power Jeff est là, prenez-nous le donner en direct sur Patreon. Et il est là live. On l'aime doublement. C'est pour ça qu'il est venu, je pense. Il est venu voir si on utilise encore ses écouteurs. Donc, dans le chat, préparez vos plus et vos moins de la saison et votre prédiction pour la saison prochaine. Prochaine saison, un autre 50. Yes, on va pas s'acheter un micro et demi. On va prendre n'importe quoi. On n'est pas gratté. On n'est pas gratté. Gratin non plus. On n'est pas gratté. Fait que là-dessus, on va aller commencer la première période. Puis on fait partie du gratin. Elle est ramenée. On a des sons. J'ai manqué de temps pour donner le soundboard à Dave. Ça sera pour la prochaine saison. On est-tu pas gratteux à petit prix? On est comme Michel Forgette, des excellentes moustaches. Je sais même pas c'est qui. Ah oui, c'est les annonces de Canadian Tire. Avec gratteux. À des gratteux de petit prix. Le petit lutin de Cousin Tire. Ben oui. Michel Forgette. Il jouait dans l'ancien compte. Dans l'ancien compte, qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait dans l'ancien compte. Le DG. Ben oui, c'est le DG de Montréal. Mais okay, ben il faisait les annonces de Cousin Tire. On commencera pas à mélanger les serviettes avec les guenilles. Quelque chose Il jouait dans quoi? Genre peau de banane, probablement. Ah oui, genre. Fille de Caleb. Non, pas fille de Caleb, je pense. C'est lui qui violait les petites filles, non? Vous êtes rendu à 4 Patreon. All right, on va avoir un nouveau Patreon. Merci, monsieur Lever. Ça me prendrait un son de power-up. Mais pendant qu'on se bourre dans les chips non commandités ici. Là, un son de trompette. Comme si c'était la fête. En fait, on a fait comme. Des graffitis. Merci beaucoup. Le souper des recrues, là, que c'est la recrue qui paye tout le temps le souper, c'est Nick qui paye les chips. Nick qui paye les chips cette année. Je paye les chips cette année. Puis c'est encore ton... tout le temps moi qui les mange. T'es encore sur ton contrat d'entrée de saison. Contrat d'entrée dans la ligue. Les gars, pas grand-chose à parler. On est éliminés. Parlez donc, on va parler des autres qui plus intéressant. On va faire nos plus et nos moins de cette belle saison. C'est correct, qu'on soit éliminé. On pensait pas faire les séries. Y a-t-il quelqu'un qui pensait qu'on n'allait pas être éliminé à ce temps-ci? Non. Les séries auraient été une calisse de grosses surprises et probablement une déception. On aurait joué contre qui? La Floride? Ça aurait fucké le chien. On se serait fait... Qui on aurait joué contre? On se serait fait démonter. Les Rangers. On se serait fait démonter ça. Ça aurait fucké le plan de la reconstruction. De pas aller chercher un choix, mettons, on va dire top 10, là, on ne sait pas où est-ce qu'on va tomber, mais on aurait été un choix 20e, peut-être 16e, ça aurait chié. Cette année, c'est correct. Sur ce choix-là, l'année prochaine, c'était le temps, puis c'était. Ouais, l'année prochaine, c'est pas encore correct. Non, tu veux pas faire série l'année prochaine? Je pense pas qu'on va y faire. Tu penses pas que ça prendrait un petit shot à la série pour au moins les gens? Je pense que l'année prochaine, on va réaliser qu'il nous manque encore des morceaux. Non, je sais. C'est bien correct. Mais ça tente pas d'avoir un petit peu de série juste que les jeunes aient un petit taste? Non, ça bat pour les séries. Finir 10e ou 9e, mettons, là, juste puis à 4 points des séries, mettons. Ouais. Juste pour sentir que les matchs ont de la signification jusqu'à la fin. Moi, quand j'écoute les séries, là, ça me manque un peu. Les séries à Montréal. Moi, je regarde juste les équipes pour les voir se faire humilier. Ben, moi, j'écoute juste les livres pour qu'ils perdent, mais si je suis en train de perdre. Oh, mais là, Caliste, tabarnak. Faut chier en essayant. Moi, en plus, je pensais qu'on rirait des livres aujourd'hui. J'avais préparé un haïku. Eh oui! Stigard. On voulait rire de la pisseuse. Regarde, c'était facile. Je l'avais. Tiens. Les livres en série. Un haïku, c'est 5, 7, 5. 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Les livres en série, une ronde seulement, magie du hockey. Wow! Vous payez cher les 4 Patreons pour fait ça? Un haïku, j'ai fait un. Ben, Jeff a dit, on fera un haïku. Ouais, moi, j'ai écrit que ça fait. Tu l'as-tu chat GPT ou tu l'as fait toi-même? Je l'ai fait moi-même. C'est super facile de faire un haïku. Ben, non, c'est dur. Mais t'aurais pu le faire avec chat GPT, on aurait dû de quoi de mieux. Bon, ben là, regarde. C'était bon pareil. Drop de main. C'était excellent. Fait que là, on a une coupe de drop. On a une coupe de drop de Power Jeff, mais on fait-tu les nôtres avant de les nommer ou on les nomme eux autres avant? Ben, on peut le nommer eux autres avant. Jeff, il a payé beaucoup. On peut le prendre en priorité, Jeff. Ouais, ouais. Son plus, c'est Slaff. Ben. Ben, attendez, à go, tout le monde, on dit notre plus, mettons. Okay. 1, 2, 3, go. Savard. Bon, c'est... Ben, si. Ah, moi, je vais dire ben, là, t'as dit quoi, toi? Moi, je veux juste qu'on m'entende comme il faut. Nick Suzuki. OK, là, on va faire... C'est mon hésitation. Ouais. Que... D'abord, on va faire un vrai tour de table. On va commencer à ce côté-là. Fait que vas-y, Nick, avec ton plus. OK, mais plus, ouais, Savard. Juste la raison, on le sait, on le voit, son jeu. Pas besoin d'y aller super compliqué. Défensivement, il est solide. Mais ce que j'ai aimé, c'est que les jeunes qu'on a eus, qui a été pairé avec cette année, il les a rendus meilleurs puis il les a aidés dans leur progression. C'est un bon mentor. Oui, puis on n'a pas eu, tu sais, les défenseurs, ils n'ont pas eu une progression à la Slaff, mettons, mais ils ont une progression constante. Oui, mais c'est une progression d'ensemble aussi. Exact. Puis lui, je pense qu'il y a un gros rôle à jouer là-dedans. Fait que pour ça, je donne mon plus, juste parce que je sais que les Slaff et autres vont être nommés. C'est une belle surprise. Fait que, pour moi, c'est lui. Dans la défense, moi, je donnerais Matheson, vraiment. Mais Matheson en même temps. C'est juste son high offensivement, clairement, avec les points. Là. Ouais, il a fini quasiment, je pense, Matheson dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale. Des défenseurs, moins 57. Il faut le donner, man. Il y a une saison. Oui, il y a beaucoup de mauvais joueurs. Il joue contre les premiers trios des autres équipes. Non, c'est ça. Puis je pense que Matheson. Je pense qu'ils n'ont pas le même rôle. Tu oublies plus ou moins. Là, je pense que justement, Savard, il est beaucoup plus. Steady. Ouais. Ben, il est plus. Ben, en fait, c'est pas le même rôle. Point. Ouais. Mais je pense que Savard à l'équipe. Si tu as un défenseur qui a un talent offensif, Matheson ne va pas nécessairement l'aider. Tandis que si tu as un défenseur qui est offensif, Savard va l'aider parce qu'il va lui montrer qu'un aspect important de sa game quand même. Ouais, mais ça me fait penser, là je ramène dans le temps là, un peu, là, quand Carlson est arrivé à Ottawa, il était jeune, il était écœurant, ils l'ont matché avec un gros défenseur, Mark Methot. Ouais. Si vous vous souvenez. C'est un peu le combo commissaire Markov. Savard te donne la stabilité que tu as besoin, qu'un Matheson peut aller faire son fou en avant, faire des erreurs parce qu'il joue open. Puis, ce gars-là, tu le sais qu'il va être là Pas, il n'est pas super poche en défense, Matheson. Il est quand même il est solide à dire. Mais en fait, il n'est pas poche défensivement, mais il prend tellement de chances offensivement qu'il ouvre le jeu. Puis cette année, il a tellement eu des échappées contre nous à cause de Matheson. Ouais. Mais overall, je pense qu'il a amené plus que de négatifs à l'équipe. Dans le chat, il y a Drekel qui demande, Matheson au top de sa valeur, est-ce qu'on échange ça? Pas encore. Moi, tu gardes encore un petit peu. Moi je serais gay. Oui, mais faut que tu gardes. Ça dépend que en fait, ça dépend qu'est-ce que tu peux aller chercher pour. Ouais, c'est plus une question de retour. Matheson, il y a une bonne valeur, oui, mais je pense que Matheson va quitter quand Lane Hudson va être prêt pour faire le club. Peut-être. Ouais. Parce que Lane Hudson, OK, il a joué deux games, ça paraît tout est beau. Prochaine, Westy, il patine bien, il fit dans du small. Mais je pense. Failing et tout, t'es hot à sa première game. Non, c'est ça. Mais. Il fait des t-shirts d'enfant, il on s'en belle. Dans le chandail large de mon gars. C'est ça. Sauf que là, il va commencer le camp des recrues. On va voir s'il performe bien. Dans le camp d'entraînement, on va savoir comme de quoi ça a de l'air. Puis après ça, mais tu sais, là, Détroit, on s'entend. Détroit, tu sais, c'est pas le gros club. Là. Ouais. Mais amène ça contre la Floride. Est-ce que Lane Hudson va être capable de bien jouer? Est-ce qu'il va être capable de faire ce qu'il fait sur la glace? On a vu deux games de Hudson. L'échantillon est très petit. Mais on a vu de très belles choses pour un très petit échantillon. Mais là, c'est pas assez. T'sais, je veux dire, ça va prendre beaucoup plus de jeux pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il va être capable de faire dans la ligue. C'est ça, on est en fin de saison en plus. Il faut qu'il fasse le club. Il y a beaucoup de défenseurs du côté gauche. Tu as Matheson, tu as Jacky. Il y a congestion. Goulet techniquement, c'est un gaucher. Il a joué à droite avec Savard puis il a très bien performé. Fait que moi, je te dirais, s'il fait le club, on attend au mois de décembre, mais la journée que Lane Hudson prend son envol, Mike Matheson, il va sortir le cul. Comme que je peux prédire, sa date limite, David Savard ne sera plus du Canadien de Montréal. Se faire échanger à date limite pour un choix de première ronde. Savard? Première ronde, David Savard. Première ronde. Ouais. J'ai aucun problème d'aller échanger nos joueurs comme ça pour aller chercher de la belle valeur. Mais par contre, au moment où est-ce qu'on va être proche de faire des séries, il nous faut des vétérans dans le team. On le voit encore une fois de plus cette année jusqu'à présent. Les vétérans, c'est eux autres qui font une différence en série parce que c'est du grinding, c'est rough. Ça dépend quel vétéran, par exemple, parce que regarde, Gallagher, il ne fera pas grand-chose. Anderson, il ne fera pas grand-chose. Complètement. Je pourrais en nommer d'autres, des hosties. Mais on voit qu'il y a... Non, mais nos vétérans rendus là, c'est deux ans. Nos vétérans, ça va être Suzuki. Nos vétérans, ça va être... Kirby Dog, River Power, à un moment donné, ça va être être quoi? Ça va être sa cinquième saison. Ouais, mais parce qu'il n'en joue pas une calice complète. Ouais, là, fait qu'avant de devenir un vétéran, il faut que tu joues une game, hostie. Mais un vétéran, c'est aussi la maturité dans l'âge. Pas juste le nombre de games que tu as joué. C'est de la maturité dans le feu de l'action, man. Tu as besoin de voir de la série. Puis Kirby Dack, il n'a pas vu tant de séries à date. Il n'y en a pas vu une. J'aimerais ça avoir une coupe de gagnant de Coupe Stanley aussi dans nos vétérans. C'est ça, mais c'est parce que c'est comme si tu dirais, mettons, je vais donner un exemple. Jack Eichel, avant qui se joigne au Golden Knights, il était vétéran, mais il n'a jamais fait des séries. Là, il a gagné la Coupe à sa première présence en série. Oui, je comprends, mais ce que je veux dire, OK, fine, mais l'équipe était déjà à quelque part. C'est pas lui qui a changé la game. Là. Non, mais il a été un bon contributeur. Oui, mais il a ajouté un élément important à son équipe. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un game changer, là, le gars. Là. Ça aurait pu être un autre du même niveau, mettons, là, du même calibre que tu aurais pu dans un autre équipe. C'est pas parce que Jack Eichel, tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que il y en a d'autres joueurs comme ça, là. Je pense qu'il peut faire la job. Là. Ouais, mais tu sais, Jack Eichel, je le catégorise comme étant un centre de première ligne qui fait un point par match. Oh, wow. Tu fais quoi? Un point par match. Oui, mais il était déjà bon avec une équipe. Ben, il a jamais fait des séries. Non, je comprends, mais... Larry. Il jouait des games, Asti. Oui, il jouait des games, mais il a pris la conversation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a joué des games en saison. Kirby Dack, là, combien de saisons? Kirby Dack. Qu'il a fait à date. Je pense qu'il n'y a même pas une... Chris! Y a-tu une c'est pas beaucoup, saison hein? L'homme de verre. 82 matchs, sa première. Okay. Okay. Après ça, blessure au poignet. Après ça, c'est... Puis c'est pas parce que je l'aime pas. J'adore son style de jeu. Il joue une belle game. C'est pas les deux genoux que c'est pété. Ben, là, c'est tous les ligaments dans un genou. C'est tout ACL, ACL. Mais là, tout va être refait. Tout va être refait. Tout va être bon. Tout va être refait. Tout va être bon pour une coupe d'année. On va espérer. C'est ça que je souhaite qu'il commence. Mais tu sais, moi, mon point... Marcotte s'était fait opérer aux deux genoux puis ça avait bien... Il est revenu. Kirby, d'après moi... T'sais, il est resté en entourage de l'équipe, ben, t'sais, il prend de la maturité pareil par rapport à l'expérience de la Ligue nationale. Je comprends ton point. Moi, je parle de gameplay. Puis ça en prend des gars qui ont eu le nez dans le caca, man. Ah ouais, ben, comme Suzuki en finale de la Coupe. Ça, pour moi, c'est un atout vétéran. Ouais. T'as dit Suzuki tantôt, puis ça. Ça en est un atout vétéran pour les séries. Faut qu'ils sachent qu'ils en ont vécu. En plus, Suzuki a bien joué en série. Il a bien fonctionné. Au Caulfield aussi. Ouais. Là. Même que je pourrais racheter quelque chose par rapport à mon plus pour la saison, j'ai dit Nick Suzuki parce que je pensais pas qu'il performerait autant. Moi, dans ma tête, j'étais dans ceux qui pensaient que Suzuki serait un bon deuxième centre de la Ligue nationale. Là, ils m'ont montré que, oups, tabarnak, il peut être premier centre. Mais... Contrairement à bien du monde qui disent que Cole Caulfield a connu une mauvaise saison, Jean-Charles. Jean-Charles, je pense qu'il nous écoute. Ouais. Hein, Jean-Charles? Cole Caulfield, il a quand même eu 60 points à sa première saison complète à il Montréal. Il a fait moins de buts et il a été moins bon. Je vais te couper deux petites secondes, on dit Cole Caulfield. Puis lui, il a fait 60 points, mais je pense qu'il a aidé à augmenter la production de Nick Suzuki et de Slavkovski. Parce que Nick a fait plus de buts. Ah, pour avoir Caulfield, il a une bonne saison. On s'attendait. Il a été complémentaire au succès. Exact. Oui, parce que le réflexe, c'est qu'on sait que c'est un shooter, ce gars-là. Ouais. Fait que l'équipe va se mettre à aller le surveiller plus, mais il est capable de faire des passes, tabarnak. C'est ça son jeu qui a amélioré cette année. Il était beaucoup plus capable de préparer des jeux cette année qu'on avait vu avant. Oui, puis il est capable de poter aussi. Fait que là, l'année prochaine, Suzuki a fait 77 points. Je pense qu'il va augmenter sa production parce que Slavkovski va probablement l'augmenter et Cole Caulfield aussi. Fait que d'après moi, soyez pas surpris si Suzuki fait 80 points l'année prochaine. Moi, c'est sûr. Des gros statements. Peut-être que Slav va est-ce qu'on me faire s'attend à moins rendu là? À de qui? Au moment qu'on se parle, de Suzuki? Suzuki, est-ce qu'on s'attend à moins de 80 points? Tu sais, s'il fait 72 l'année prochaine, on va être un peu déçu. Point de vue production seulement. Mais la question, c'est t'attendais-tu à ce qu'il fasse 77 points cette année? Ben franchement, c'est facile à dire après, mais j'avais le feeling qu'il allait faire pas loin d'un point par match. Déjà? Ouais. Je pense que oui. Peut-être. Oui, parce que l'année passée, Caulfield il avait été blessé à milieu de l'année, mais ça avait tellement été débile le début de l'année. Il y avait comme quoi 28 buts, 29 buts, whatever, quelque chose de même. Avec Suzuki, c'est quand même réaliste, je pense. Puis le gars, l'année passée, à la fin, Suzuki continuait tout seul. Il continuait à produire malgré tout, même s'il n'y avait pas son allié solide. Il jouait avec Harvey Pinard. Puis Slav était plus ou moins Harvey Pinard, exactement. Fait que j'avais pas de doute qu'il allait faire en haut de 70 points au moins. Yeah. Ben comme, tu sais, d'après moi, Caulfield, là, présentement, la production qu'il a eue, c'est similaire similaire à une bonne saison de Max Pacioretty en tant qu'il joue avec le Canadien. À peu près quasiment 30 buts puis 30 passes. Mais constant. Oui, je comprends ce que tu veux dire là. C'est juste que comme il y en a un qui était par séquence puis l'autre qui était constant tout le long. Ben, c'est ça la différence. Puis là, il y a quoi? Il y a quel âge? Caulfield, 24 à peu près, mettons. Ouais. L'année prochaine, j'ose espérer qu'il va faire plus que 30 buts. Ça serait le fun qui s'approche de 40, mais je pense que c'est là que ça va s'améliorer. Pour les parts, je pense que ça va rester stable. Mais là, c'est rendu que tu n'auras plus qui checker. Oh, t'as Slav Kossi qui est capable de tirer. Ouais, t'as Suzuki qui est capable de scorer. C'est pas juste un trio avec un tireur, l'autre qui passe, puis là, t'as deux. T'as Slav en arrière, pas Slav, t'as Matheson en arrière qui vient aussi aider parce qu'il a tellement contribué. Exact. Puis ça manque juste une bonne shot à pointe. Puis je pense que ça prend un aigle à défense à l'arrière pour vraiment générer ça. Matheson, il est bon, mais je pense pas que c'est le gars que ça aigles. Prend. Ça prend un aigle. Si le joueur que je pense dans mon cœur qui est, il va être une coche au-dessus de Matheson et de loin, parce que ce gars-là, il contrôle le jeu, un peu comme Niklas Lidström contrôle le jeu, parce que ce gars-là, là, il y avait peut-être une mise en échec dans la saison. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout le temps la rondelle. Puis je pense que Lennotsson, s'il devient ça, ça va être un game changer. Puis on pourra même dire qu'en 2022, le premier repêchage de Kent Hughes, ça a été game changer pour Montréal. T'as repêché Slav Kosky, t'as repêché Lennotsson en troisième ronde quand tout le monde criait parce qu'on n'a pas repêché un petit gars qui parle français puis qui boit du lait 2%. Là. Mais sacrément. Puis là, 2023, t'as Rainbacker à droite. Puis d'après moi, la raison qui va faire que Savard va se faire tasser, c'est que ça va dépendre de la performance de Rainbacker et la performance de Logan Mailloux. Puis si ces Logan, gars-là... D'après moi, il va être bon. Mais... C'est-tu que j'aime l'idée que tu t'en vas, puis, mais il y en a un que j'aimerais qu'on développe en avantage numérique. Si on dit que Hudson devient le général en défensive qui est très mobile et tout, celui que je pense qui a été vraiment surprenant cette année dans le peu d'échantillons qu'on a eu en avantage numérique parce que c'était tout le temps la première ligne d'avantage qui jouait, Jack Eye avec son shot. Je trouvais qu'il y a un asti de plomb, puis il était capable de la mettre au net et non calisser partout dans la bande en arrière. Comme Subban. Puis je me dis, exact. Puis je me dis, si tu as un L.A. Norton qui fait la job, qui passe bien, qui distribue bien, mais qu'on se garde une arme avec un asti de shot comme Jack Eye qui l'envoie au net, peut-être que ça pourrait amener de quoi. Je ne penserais pas qu'on va garder Jack Eye. Écoute, moi je pense que oui, parce qu'il amène un élément que Jordan Harris amène pas. Que Kovacevic amène pas. Moi, je suis d'accord. Que... Sur ça là-dessus, je suis d'accord en Chris. Je suis freezé. Harris, ça, c'est sérieux. Là. Ce gars-là, il apporte rien à game. Il est bon, game, il est bon, mais lui, il, Baron, non, il est remplaçable. C'est Vanné. Baron, c'est Vanné. Il est couleur Jean-François Cromp. Blanc. Non, mais tout ça, là, c'est tout du remplaçable. Fait, oui, je pense que Jack Eye, il a un rôle important, mais je ne suis pas sûr qu'on va l'avoir bien longtemps. En tout cas, tu parles de santé, toi? Ben, en tant que tel, le joueur, tu sais, je le vois pas sur le long terme avec le Canadien. Non. Point. Non. On va voir, parce que, tu sais, c'est sûr que là, c'est pas, c'est pas parce que je l'aime pas, mais je pas qu'est-ce qui est nécessaire. Je pense que peut-être son jeu physique a une date d'expiration. Ouais, d'un moment donné, ça va baisser. Il s'est pété les épaules, me semble, à la fin de la saison. Mais en même temps, c'est plus comme avant que t'as besoin de ça. Ouais, mais quand t'en as besoin, t'es content, tabarnak, de l'avoir. Non, je sais, non, je comprends. Mais il apporte quelque chose. Juste que le hockey change. Il apporte une game, tu sais, importante. Une dimension à la game que les deux n'ont pas. Tant qu'à garder les deux qui sont à peu près, mettons, on va dire, égal, tu gardes l'autre parce que Harris t'amènera jamais. Mais quand t'amènes les autres, faut que tu débarrasses un gars. Par exemple, là, faut que tu t'enlèves un défenseur left side. Ouais, mais c'est ça. Le premier à sauter, ça va être lui. Harris, tu penses? Oui, mais après, ça va être Jack Eye, je pense. Ben ça va dépendre. Ça va dépendre encore. Il est encore trop tôt pour expliquer de qui va se faire changer. Il y a plein d'actions dans le chat en ce moment. Là. Ouais. On salue Larry. Larry. On remercie Jeff d'avoir dit get the fuck out. Quelqu'un est venu nous vendre des affaires en anglais. Mais ça avait l'air legit, comme a dit monsieur. Ouais, ben c'est parce que je ne m'attendais pas le chat avec ça. Ça avait l'air legit. N'est pas vendre vos affaires devant les fans. Vous allez vous faire détruire. D'après moi, ton numéro de carte de crédit, c'est vrai. Mais Newhook, écoute, Drakel, moi je suis dans le milieu. Ce qui manque au studio, c'est que je mets des écrans ici. Le Newhook? Newhook, il va être bon s'il est avec un bon. Là, je sais qu'il le met de centre, mais s'il est avec un bon centre, il va être bon. Mais je pense qu'il était correct, de profondeur en ce moment parce que là, genre Dak était blessé, mais tu sais, si t'avais eu Dak, Newhook aurait fait mieux. Mais tu sais, Dak, Newhook, peut-être ça pourrait devenir un bon deuxième pour nous, un deuxième en ce moment. Ben moi, Newhook, je le mets sa troisième ligne au centre, puis je le jumelle avec Joshua Roy. C'est là qu'il a connu ses meilleurs succès dans la saison. Ah, ouais, tu gardes eux autres, puis si t'as encore Armia dans le club, tu l'ajoutes avec eux autres à la troisième ligne, t'as une troisième ligne stable. Puis surtout avec des bons match-ups contre les défenseurs l'autre bord, Gallagher, il pourrait être avantagé à faire une coupe pas mal plus de points. Gallagher va jouer sa 4, puis à un moment donné, il va se blesser, puis après ça, il va rester chez lui. Il va blesser cette année? Il a été blessé une couple de fois. Ouais, ouais, mais pas longtemps. Ouais, ben tu sais, tout va lâcher d'une fois. Je sais, mais... Écoute, tu savais qu'il va être payé 9,5 millions l'année prochaine de tabarnak? Mais il va se faire racheter son contrat dans un an. Tu penses-tu? Pas cette année. Il coûte combien si on le rachète, mettons? Si t'attends un an, il va coûter des peanuts. Genre en bas de 2 millions, c'est ta masse salariale. Okay. Pendant combien d'années, par exemple? 4 ans. Non? Okay. Mais 4 ans, c'est pas... Faut que t'attendes un an, parce que là, vu qu'il est payé à 9,5, tu l'achètes pendant 4 ans? Ouais, je voudrais que je regarde un cap friendly, là, mais c'est faisable. En bas de 2 millions, c'est pas super. Si on a... Mais c'est quand même 4 ans. Pas mal de jeunes qui font le club l'année prochaine. Parce que si tu regardes cette année, peu importe les choix de l'organisation, là, clairement, je veux dire, tant qu'à moi, c'est juste ici, on a l'air d'avoir une bonne job. Mais quand on est allé chercher fucking White, là, à date limite des transactions, là, un astidou qui n'a pas fait un crise de points, je me dis, peu importe, on est pogné avec Gallagher puis son prix. Puis si on n'a pas d'autres jeunes qui peuvent le remplacer, de toute façon, pour faire une meilleure job que White a fait, c'est-à-dire à chier, je vais le garder jusqu'à temps qu'on ait des jeunes qui nous forcent à le racheter. Mettons. Ouais, parce qu'on a on a besoin de chandail à remplir. C'est ça. Il a pas été mauvais, Gallagher, oui. Non, il a fait ce que je m'attendais. Je m'attendais pas qu'il fasse 50 points. Non, puis, une trentaine de points. Mais la raison quand il était cherché Colin White, premièrement, c'était pour s'assurer que Laval avait des renforts avec Gignac pour qu'il fasse les séries. Ils ne l'ont pas fait, malheureusement. Puis Colin White, c'est un ancien client à Kent. On n'a même pas fait nos points. Il y a un service possible de relancer. On est encore dans les plus. Ah non, mais je suis d'accord avec ça. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai même pas dit. J'ai pas dit le tien, tabarnak. Ton plus, c'est quoi ton plus, mon ami? T'as pas dit la descente, Chris? On donne à mon tambour. Non, t'as-tu ton plus? Non, il y a juste deux qui avaient dit vos plus à date. T'as-tu Matheson tantôt, tabarnak? J'avais dit Slav. Parce que vous avez fait un beau monologue, là, à deux. C'est quoi ton plus, moi, Alex? C'est Slav Koski. Slav Koski, pourquoi? Explique-moi. Je vais te dire pourquoi, tout le monde sait pourquoi. OK. Next. Dave. Ben, c'était la même chose. OK, écoute, Jeff. Saint-Louis. Ah, il a nommé le coach, mais. Le bon Martin. Ouais. L'ensemble de son œuvre. Robidoux. Ah, Chantal, c'est ça qu'on dit? Ouais, okay. C'est ça. Ah, Chantal, merci Chantal. Okay. Merci Chantal. Merci Chantal. Ah, on est faire nos moins, on est à la fin, on est en overtime de période 1. Fait que ça va bien, c'est pas ce mortel. Qu'on dit tout à 3? 1, 2, 3. Anderson. Ah, tu vois, moi, c'est pas Anderson, mon moins. Anderson. Moi, c'est Samuel, mon moins. C'est le tabarnak, là. Je l'haïs. Qui mange la merde, un esti de gros porc. Ouais. Parce qu'il a gagné trop de games, puis qu'on était trop proche, on n'a pas fini la game. Il a même pas gagné trop de games. Il a perdu 20 games en prolongation. Ça a donné 20 fucking points, puis à cause de ça, on n'a pas fini dernier. L'année passée, on aurait pu repêcher dans le top 3. Il a gagné des points inutiles. Dans les stats, il est troisième dans la Ligue nationale pour les gardiens de but qui ont volé des matchs. Ça me fait chier. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Il a juste fait sa job. Il n'a pas fait sa job. Il était juste son contrat. Donne-moi une dose, mon tabarnak. Non, tiens, mon ami. Il a été bon pour avoir son contrat. Motambo, il a eu son contrat de 4 ans. Félicitations, t'allais nulle part, man. Là, aujourd'hui, l'année passée, il nous a coûté un choix dans le top 3 avec ses crises de points inutiles en prolongation. Cette année, ça a été la même calisse d'affaires. C'est juste la game. Hey, l'équipe aurait été complètement différente si on aurait repêché Leo Carlson, Will Smith, Fantilli ou même peut-être Connor Bedard. Mais moi, t'en veux dire que j'ai ça. C'est encore une loterie, GF. Ouais, puis à l'inverse, la loterie fait que les derniers qui ont fini derniers, ils ont repêché top 3 pareil. Tu peux pas blâmer un goaler. Puis combien qu'on a de victoires en prolongation cette année? Pas gros. Puis ça, c'est pour ça parce que c'est aux joueurs de pas égaliser la marque. C'est tous des fucking points inutiles. Et non seulement ça, la raison pourquoi on ne croit pas ici l'année prochaine, c'est à cause de Samuel Montembeau. Bon. C'est un Cristobal Huet pour les pauvres, c'est qui est né au Québec, tabarnak. Donc, tu veux faire les séries l'année prochaine pour les faire? On les fera pas à cause de lui, man! Puis Primo, ça va être pareil. Primo, il est gros, il s'essouffle en troisième période, puis il va être le pire gardien de but du nombre de buts qu'on rentre en troisième. Je vous le dis tout de suite, on ne fera pas les séries à cause de nos gardiens de but. Non. Le gardien de but d'avenir, c'est Jacob Fowler, peut-être. Oui, mais peut-être. Ça, c'est dans 3 ans minimum. Là. Ben justement, c'est pour ça que je pense qu'on ne fera pas les séries l'année prochaine. Sure. Peut-être pas l'année d'après. J'ai rien contre Montembeau. Neveu, il dit à GF, t'as dû haïr Price longtemps. Price était mon joueur, man. Mais Montembeau, c'est pas Carey Price. Price à nulle part. En finale, la coupe, puis s'est pété gagné. Le genou. Eh ouais, on l'a pas gagné. Pété le genou. Mais non, mais c'est sûr, Chris, c'est qu'on a pas gagné. T'as pas bête, tabarnak, avec leurs 18 millions, ça a marché. La fois qu'on aurait gagné, c'est fucking Kreider qui a tué. On aurait gagné la coupe Stanley. Price s'est fait voler sa coupe Stanley. On s'est tous fait voler par Kreider. Puis Price a gagné la médaille d'or. Tu verras jamais Montembeau ou Esti. Si Canada a Montembeau dans le top 3 des gardiens de but, parce qu'on a c'est rien donc en, au Canada. Il y a rien au Canada. Je pense qu'il va être là, man. Ah, we have nothing. Il n'y a plus de goaler canadien. Okay. J'aime bien Montembeau. Tu vois un Skinner? Je trouve que c'est un gars qui on verrait bien à... Hill? Stuart? Hill! Adam Hill? Hill? Il n'est pas suisse, lui. C'est pas le gardien de ouais, mais il est pas top, là. Je pense que le meilleur goaler canadien en ce moment, c'est pas Skinner? Ouais, c'est Skinner. C'est ça. Stuart? Ouais, c'est Skinner. Winnipeg. Non, non. Stuart Skinner? Ouais, Stuart Skinner. Ouais, le goaler. Joue, les Oilers. Okay. C'est le seul, le meilleur goaler point de vue performance. C'est les Américains qui ont des bons goalers, mais j'avoue qu'on est dans la merde, même au Canada. Tu ris, mais Montembeau, il a des bonnes chances de faire team. On gagnera jamais médaille d'or. On fera même pas le top 3. Pas dit que c'est le premier goaler. Il va être dans les 3 goalers. Arrgh. Je te dis. Non, mais tu peux, en même temps, tu peux pas être fâché qu'il a fait ça. Déjà, pourquoi que les joueurs ont égalisé la marque? Les joueurs n'auraient juste pas compté le but, tu sais. Là, tu te blâmes à cause qu'on perd en prolongation, mais les dans joueurs les ils ont stats, compté le but égalisateur. Dans les stats, c'est le troisième gardien de but dans NHL cette saison qui a volé le plus de matchs. Good. Ça te coûte des joueurs d'élite dans ton alignement. On va faire les séries l'année prochaine. On les fera pas, man! Je te dis, je vais revenir, puis à chaque fois qu'il va avoir une mauvaise performance, je te l'avais dit, Alex. Puis on va être rendu au mois de novembre, ça va faire 10 fois que je te l'ai dit. Mais au mois d'avril, je vais dire, t'as-tu vu? On est en fait série grâce t'as-tu à vu? T'avais raison, man! T'as-tu vu? T'avais raison. Il va prendre Alex, poids cet été, tabarnak. Là, à cause que c'est le gardien but numéro 1 de Montréal, tout le monde va y payer des snacks, des crevettes, des ceviches, des cocktails aux crevettes avec des sauces rouges. Le gars, il mange des chips. Je suis sûr qu'Esti qu'il a plein de collations dans son sac de hockey. Ben oui. Puis là, il mange des peanuts, Esti. Puis le mec Matheson le regarde. Il est comme, plein de peanuts. Fait qu'il est pas gros, il est juste en fait de peanuts. Il m'a déjà dit manger. On l'appelle Snacks, man, parce qu'il est gros, tabarnak. Il s'appelle Snacks. Il est overweight. Roy, il s'appelait Casso, mais il arrêtait des pocs, tabarnak. Montembeau, il y a une moyenne de 3 buts par match. Stop living in the past, man. 3 buts de moyenne par match. Il n'y a même pas une moyenne de 910. Il frôle le 900. Mais c'est pas un goaler numéro 1. C'est quoi le pire? Regarde, je te signerai pas numéro 1 ou pas. On va voir. Mais je sais pas si c'est un argument tant que ça, ce que je vais dire là. Mais tu sais, le meilleur goaler de l'année, celui qui va gagner le Vézina, s'est fait torcher le cul que le Chris en série. Il gagnera pas d'accord de ça. Ah, mais oui, parce que c'est juste la saison régulière. Fait que, il va gagner. Ça. Mais je pense que ça va influencer le vote parce que, écoute, à cause de ses grosses oreilles, je pense que ça fait mal quand il met son casque. Fait qu'il y a moins de 5,87 en série. Il y a Jim qui dit 110% de retour. C'est un peu la base de la soirée de podcast, ça. Là. Genre, ouais, ben le producteur de 110%, il peut aller chier. Ouais. C'est qui déjà, Eric? Je n'aimerais pas son nom. Il est rendu courtier immobilier puis il utilise le 110% des pancartes. Allez voir. Aïe! Il y en a un qui a un bon point, ça, je pense que c'est lui mon Dvorak, exactement. Dvorak, c'est mon moins. Ben, je pense qu'il va se faire changer à la Edmondson. Dvorak. Ouais. Mais regarde, c'est quoi? Le gars qui a joué le moins de game ever. Vu que tu le donnes à Dvorak, moi, je vais donner le mien à Dak. Je l'aime, mais asti. Tant que je le vois pas jouer, je peux-tu vraiment l'aimer? Fait que j'y donne un peu par défaut parce qu'on l'a pas vu de l'année. Mais je comprends à ton point, parce que c'est quasiment le même pour moi pour Dvorak, mais... Mais Dvorak, on le déteste. Comme influ- c'est un temps de comme influé, mais influé. Influé. Ah, influé. Influencé. Hey, prends mon bateau, ma lettre, ça, c'est insultant. Calice. Influencible. Non, mais c'est ça. Parce que. Belle fin de point. Hein, non, mais c'est parce que là, il m'a dérangé, lui. Ouais, puis je pourrais dire que mon point citron, là, c'est Michael Pezzetta. Y a-tu un gars plus utile que ça dans un équipe? Oui, c'est ça, je suis un gars. Tu l'aimes, Pezzetta? Get the fuck out. On a plus besoin de ça. C'est beau, les cheveux. Depuis qu'il a fait son horse ride contre les sabres de Buffalo l'année passée, là. Calice, tabarnak. Hey, man, c'est qui l'habille, ce gars-là? Y'a-tu vu son look, tabarnak? Un roux qui s'habille de même, là, c'est honteux, man. Je sais qu'il rentre dans la chambre, là, puis c'est le silence. Mais. Si personne le regarde, personne n'y parle. Puis quand Marcel lui parle à cause comment il s'habille, je pense qu'il non, mais je pense qu'il était que s'en aille, fine, oui. Mais le gars, je pense qu'il donne qu'est-ce qu'il a donné. C'est juste que ce qu'il a donné, c'est pas assez. C'est un bouche-trou. That's it. Ah, il amène un peu d'énergie, mais respect vrai, à tout ce qu'il fait. Quelle énergie, il va se battre, il va se faire péter à la gueule. Je sais. Mais c'est n'importe qui peut remplacer ce gars-là. Mais bon, c'était bien. La Corona extra. Il vient juste à découvrir. La non, c'est quoi ça? C'est la bière de Fast and Furious. Corona? C'est la bière de Fast and Furious. Ouais. Genre, personne dit ça. C'est vrai. Ça se peut, ça peut. C'est bon la Corona. Ah, Corona Extra. Larry, tu dis Ilonen. La Corona pas extra. Ilonen, j'y ai donné, ben, je pense, à mon c'est-tu premier show quand, avec les boys. C'est-tu le silence quand Mallette rentre dans le sous-sol de JF? Ouais, parce que ça s'appelle, comme mon chien faisait quand je rentrais à la maison, de l'admiration. Non, JF, il rentre le premier, puis oui, je suis silencieux dans la cuisine. Je regarde, je suis comme, ah non. Mais, Ilonen, ouais. Je vais ramener Ilonen, le bon prix Ilonen. Ah ouais, voilà, JF. J'avais donné un plus, moi, le premier show que j'avais fait avec vous autres, les boys, puis ouais. Je m'en veux, Steve. Fait que ouais, désolé, ouais, mais à coup de pas. Faut pas oublier, c'est des séquences. Fait que pendant cette séquence-là, il y a le droit d'être un plus. C'est correct. Absolument. Mais à Koulka, pareil, parce que c'est. Mais après ça, ça quand fait. On regarde l'ensemble mais à Koulka! Quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, c'est moins ça. Ça sera pas un bon endroit, ouais, c'est ça. On le verra plus, d'après moi. Notre lui, Koulka. C'est dans la catégorie Nicota Sherback, Yura Lynn, qui est de cette petite gang-là. Ricotta Sherback. C'est le chandail qu'on a vu, ça, Sherback? Sherback. Je te parlais un petit peu. Mais oui, ça, la cloche, déjà. Ok. Puis dû sonner une autre fois. Ouais. On l'a dit l'autre fois. J'ai fait trois fois, fait qu'il y a quelqu'un qui va en avoir. Toi, t'as une light. C'est catch. Merci beaucoup. C'est un autre qui l'aime bien. Oui, c'est catch, le gars qui était super vite, le Forrest Gump. Ouais, parce que quand la game, on s'en belle, le gars qui avait un chandail. Un gars avec un chandail de quand, c'est catch, mais il jouait plus. Cette année. Non, c'est ça. Il est hier. Parce qu'il est plus là. Ça fait plusieurs années. 3-4 ans. Il est décédé. Je connais pas. Il est décédé, ouais, il est mort, hein. Pearson était dans l'équipe. Ouais, ben Tanner Pearson, c'était pour. On est allé chercher pour alléger le contrat de Casey DeSmith qu'on a échangé à Vancouver. Ouais, ouais ben lui, mais on l'a pas vu même. Le chat, vous avez des bons noms de gars qu'on avait peut-être oubliés ouais, ouais, de notre bord. Absolument. Ce que vous nommez depuis tantôt, Makita, justifié à fond. Makita Sherman. Ben, ça se passe parce que c'est tous des gars qu'on se calisse. Le gars des outils. Ben, c'est ça. C'est tu sais, comme Yonen, man. Un moins, c'est quelqu'un qui devait performer et qui l'a pas fait. Hey, mais Allen, on va le caller out même s'il peut avec l'équipe. Ben, Jake Allen, il a été un ton de mal cette année. Ouais, ouais. Après le premier mois, là, ça a pris le feu. Il était bon ailleurs. Moi, oui, il était bon au New Jersey. Puis moi, j'y donne un plus parce qu'il nous a rapporté un choix de troisième ronde. Puis peut-être un choix de deuxième ronde s'il joue 40 games l'année prochaine. C'est vrai, mais Chris Allen, un choix de troisième ronde, on s'entend-tu que le gars au New Jersey était chaud en tabarnak? Mais pas un plus. Oui, parce que. Donne son moins à Montembeau. Un choix de troisième ronde, c'est plus que ce que Pizzetta a amené sa glace. Mais ça job. C'est tout. Pas nous amener un choix. Moi, je donne un plus à Dak parce qu'il s'est blessé. Puis à cause de lui, on n'a pas fait les séries. Fait que je donne mon plus. Moi, oui, un choix de repêchage, c'est une valeur pour le club. Je vois jouer. Victoire cette année n'avait aucune valeur pour le club. M'a joué à Ultimatum. Puis je vais faire un ricochet de ce que tu viens de dire là vers Hughes à la place. Qui? Je trouve que c'est Kent Hughes qui a fait le trade. Puis c'est lui qui mérite ça. Plus, parce que Allen a aidé aucune personne à avoir un troisième choix. C'est Hughes qui est allé chercher. Ça reste qu'Allen a rapporté. T'es troisième choix pareil. Ouais, mais il y a une chance parce d'ailleurs, qu'il était pourri toute l'année. Aussi. Non, il était bon un moment donné. Il méritait un cinquième choix. Il était pas bon. Il était pas bon. D'ailleurs, en deuxième, on va parler avec lui. Il était bon pour parler. Il y a cinq enfants. Okay, oui, on va écouter le bon Kent en deuxième après ça, d'ailleurs. Ouais, il est bon analyste, je vais t'avouer, avec son accent du Nouveau-Brunswick. Qui, c'est le bon Kent? Jake. Bon. On a tout ça fait nos moins. Ouais. Toi, Jeff, c'est ton moins. Garth Goku Murray. Quoi? Pas besoin d'un break. Tout ce monde-là. C'est comme un cheval. Y a-tu un là qu'on oublie qui met comme un moins? Je donne un anti-moins à Motambo. On n'a même pas parlé d'Anderson. Pourquoi vous avez donné un moins? Non, mais c'est Anderson. Moi, c'est anti-moins pour Motambo. C'est un anti-moins. Ouais, c'est un moins devant ton moins, fait que ça annule. Moi, je donne mon plus. Fait que c'est rendu un plus. Tu bloques mon moins. L'année prochaine, il va être à vos moins à toutes les calices de deux semaines. Ouais, l'année prochaine, on va avoir des petits cartons de blocs et de ricochets là, pour faire nos moins, nos buts. Oh, t'as pas le droit de dire lui, non. Tu sais, regardes la photo de Motambo, ça a l'air d'un bébé gras. Je suis collant de ma carte privilège pour dire non. Mon doigt de veto, t'es voilà. Mon doigt de veto. Il n'y a pas un tabarnak qui va. C'est le doigt de veto. Tu vois-tu Nike commenter Motambo? Manette, non. L'exemple de genre de shape. Non, mais la fleur pourrait. Santé, la fleur les pourrait commander. Non, la fleur. Le fast-food, la fleur. Ouais. C'est les saucisses. Mais on pourrait les commander d'ailleurs pour avoir des hot dogs avant. Ah, on va manger des hot dogs live. Si McDo commandite Samuel Motambo, ça va être le filet de poisson. C'est tellement qu'il est à chier. Non, c'est Surf and Turf. Il n'y a pas de Surf and Turf au McDo. Ouais, man. Depuis quand? Remix. Ah ouais, Remix. Avec la sauce tartare. Non, c'est un hamburger avec. Là, il y a une petite sauce sale avec les croquettes. Je sais pas, j'ai pas mangé, man. Je mangerai pas ça. Mais tabarnak, tu m'en parles puis tu n'aimes pas goûter. Faut non, que tu j'ai dises, pas goûté. Si bon mais essaye-le, man. Moi, j'ai pas essayé. Ça t'attire-tu, malade? Le pain gadois. Ben, j'aime le côté croustillant. Moi, je trouve ça va être dégueulasse. Moi, ça va être ça. Probablement, filet de poisson, mais je mangerai jamais ça. Ouais, moi, du poisson congelé. Moi, la seule fois que je mange filet de poisson, c'est au Vendredi Saint. Non, c'est vrai, Chris, ouais, moi, je mange pas. Moi, je mange pas. Vendredi saint, là, je mange un aussi gros steak. Ah ouais, ah, non, oui, moi, là, je mange du bacon. Moi, ça va faire 42 ans que je mange ça. Ma femme m'appelle même, regarde. Ah, moi, je fais du bacon. Fuck. Allez, il va dans l'enfer. Alex dans la cour, arrête de tourner le méchoui, là. J'en donne à mes enfants, je dis d'autres, si vous voulez manger du poisson, pas de problème. Après, tu vois Motabo qui, tu vois les yeux dans les cachets. Anyway. Oui. Parlant de Michoui, c'est une bonne idée d'en louer un pour un certain chalet. Ouais, c'est possible. C'est une idée que j'ai lancée de même. Voilà. Fait qu'on va aller faire une petite pause, on revient à la deuxième période avec les extraits de fin de saison du Bon Kent et de Jeff Gorton qui est très à l'écoute. Avec un petit écouteur en français dans son oreille, qui dit pas grand chose. Fait que pause, on vous revient. Très sec. Très, très sec, messieurs. Sec de même. Très sec. Allô, on est retour. Allô, micro, tout le monde. On est back, we're back, baby. On a pas eu la saison, hein. Fait que c'est bon, c'est le premier. Moi, je reste tout le temps. C'est un classique. Tu m'entends juste, fait que je suis loin. J'avoue que celle-là, je l'ai. C'est des rats de vieillard. Fait exprès, celle-là. On est de retour pour la deuxième période. Comme... est classé comme genre bateau un peu. Il y a des questions dans le chat, on peut répondre. On parle de Pingadois, on dit Mallette c'est un cheval sauvage, on peut pas le contrôler. Ouais. À quand les lignes ouvertes? Jamais. Peut-être, je regarde. C'est cœur, hein? Mais je regarde ce que je peux faire. Ça se ferait. On a déjà parlé, ou juste au pire, nous envoie un message. Soit qu'ils envoient un message où je pourrais être tout seul puis recevoir des calls puis être très malaisé. Ça serait incroyable. Tu sais, le genre de deux semaines parce qu'on le fait pas, là, ça pourrait être moi tout seul qui reçoit des calls. Genre. Je regarde ce que je peux faire avec les Patreons, peut-être ça peut être ça aussi le bonus qu'on pourrait donner. Là. Ouais, vous avez le droit d'appeler. Cet été, je vais regarder ce que techniquement je peux faire avec tout ça. Ouais. Puis, on est back, là, fait qu'on l'année prochaine, on va en refaire. Ben ouais, ben ouais. Mallette va venir deux fois. Sky's the limit. Moi, comme Roman Reigns. Au début, puis à la fin. Roman Reigns. Mallette Returns le 15 janvier. JF appelle. On se réinvente. On est un vieux podcast. On se réinvente. Il y avait quoi aussi? On disait, c'est le dernier épisode ou bien vous allez en faire un pour le repêchage. Mais techniquement, le repêchage tomberait sur la saison prochaine. Ouais. C'est ça, c'est les deux GF qui font ça ensemble. Moi, je pense normalement. Je connais pas assez. On avait-tu, on donne-tu les détails tout de suite, GF, ou... On va attendre à la fin du... troisième période. Troisième période. Soyez à l'écoute. C'est là vous allez savoir si on fait un épisode de repêchage ou non. Voyons, Chris. Déconnecte pas de suite. Reste jusqu'à la fin. Ça vaut la peine. C'est les brins. C'est les brins. Célébrini. Célébrini, bon, on est rendu. Agace, c'est en spécial aux gens coutus. Oui, on est agace, mais bien sûr. Oui, on veut vous presser jusque-là, tu sais, quand même. Là. Pendant que je subtilement cherche mes notes. On voilà. aime ça, vous lire pendant qu'on fait le show. C'est le fun, il y a plein de monde qui sont live à soir qui chat, c'est ce qu'on aime d'ailleurs. L'année prochaine, on va vous mettre dans l'interface quelque part vos commentaires. Là, qu'on ben oui, qu'on le monde peut savoir. Vos niaiseries, puis le monde qui vienne nous dire des choses en anglais. Ouais, c'est quand même après Processus, puis Snake Bois Vert. Ça va être GF Dark Horse. Dark Horse, ah, j'aime ça. Le Dark Horse. J'aime ça. Le je vais faire un petit rôle. The Spanish Italian. The Spanish Italian. Wepa. Wepa. Fait que là... ça dit wow. Hey, je me souviens quand tu collais les Paulo Coelho. Ben ouais, Paulo Coelho. Ben ouais, un classique de l'épisode avec mon petit... comment t'as dit ça, là? Paulo Coelho, c'est pas pendant le Jameson, ça? Mon petit chaser préféré. Les épisodes de Jameson. Hey, l'épisode de Jameson, tu réalises-tu que c'est là que t'es devenu célèbre dans ma tête? Pour moi, ben, j'avais des petits doutes. Là. J'étais pas là. Non, non, ça, on était trois. On était trois, puis on a fini une bouteille. Là. C'était pas prévu, hein. Dans le fond, tout ce qui est arrivé là, on pensait pas que ça virait de même. Là. Je me disais, t'as amené une bouteille de Jameson. Je pense que c'était toi. Okay. Non, c'était moi, mais je pense que je l'avais même pas dit. J'avais comme ça là, c'était Noël. On se fait un shooter. Au début du podcast, tu le dis, genre, une affaire de même. Tu dis, genre, j'ai amené du Jameson. Ouais, ouais. À la fin, c'est un. On est crappé. Ça a dégénéré, man. Tout le long, le riz basmati, puis j'ai des coups. Quote que je peux vous nommer, là, je le ferai pas. Ah oui, on est en 2024. T'as retenu des... On devrait faire un t-shirt avec mes quotes. Non, mais moi, je me souviens surtout de GF avec Hey Donolo. C'était qui Donolo, man? Donolo, c'était la blonde. La blonde. La chanteuse. Oui. Hey, elle me répondait quand j'ai fait sur Instagram. Oui, hey, je la suis encore, moi. Ça paraît qu'on gagne pas, tu chantes plus, puis elle m'a envoyé un like. Elle a joué dans la série. Super avec, c'est quoi la série? Est-ce le gars qui joue au hockey, là, qui a un petit pénis? Calais, c'est sur Crave, tabarnak. Je sais pas de quoi tu parles. Il parle de même, là. C'est avec des Indiens. T'as pas vu ça sur Crave? Je vais checker tantôt, je reviendrai là-dessus. On dit pas ça. Alexandre Daigle? Non, si, tabarnak. The Alexandre Daigle Chronicles. Hey, on va. Ouais, comment ça? Donc, cette semaine, c'est pas Martin Saint-Louis. C'est le bon Kent dans sa conférence d'après-saison. Donc, question à bon Kent. Il y a aussi Jeff qui est là, mais Jeff parle pas parce qu'il. Oh, c'est là, j'aurais dû attendre manger mes chips parce que c'est la période des chips. Ben, faut que tu manges plus longtemps que manger des chips. Moi, mettez-moi pas des chips dans la face, Chris. C'est ça que je vais manger. Ben, c'est ouais, correct parce que tu sac. Ça fait le sac. Chez nous, je mange. Chorsy. Chez nous, là, je mange. Chorsy. Jamais de chips au prix. Ouais, c'est bon, Chorsy. Elle joue là-dedans à couche avec un des joueurs. Elle joue là-dedans de Nolo. Oui, Laurence Leboeuf aussi, elle couche avec un joueur. Jeff a des étincelles dans les yeux. Donolo, tu vois pas. Donolo est hot, mais. Donolo. C'est ouais. Rêve Montréal, il s'appelle la star. Ouais, puis sur sa dernière pochette d'album, elle est tout nu. Oh. Où ça? FYI. FYI. Bon, premier extrait, on a demandé au bon Ken s'il était satisfait de son team pour la saison. Je suis très satisfait de l'avancement de nos jeunes joueurs, de l'avancement de notre oui. équipe dans l'ensemble. Je pense qu'on a vu une progression dans le jeu d'équipe aussi. La face à puis quoi, on est aussi on connaît qu'il y a, no a des jeunes joueurs qui continuent à progresser avec nous à Montréal puis à Laval puis aussi dans les rangs amateurs. Amateur. Bon, j'aime que j'ai Gordon, laissé... là, il a l'air Gordon de avec sa bouche à un cul de poule. Les extraits, on s'en rappellera pas parce que j'ai mis les screenshots à la fin de chaque extrait, fait que c'est ça. Là. C'est exact, face c'est à un cul de poule. Ben, dans le fond, j'aimerais en profiter juste pour souligner un point que Montréal, on a parlé d'Anderson tantôt, mais ils ont aussi signé un contrat à Luke Touch, le frère à Alex Touch, qui a eu une bonne performance à Laval aussi en fin de saison. Et puis, ce matin, ils ont signé Adam Ekström, un joueur suédois qui va jouer à Laval probablement, puis qu'il a un beau potentiel, puis c'est un gars qui peut jouer à droite. Nick est cassé. Ah, si, Jeff Corte. Hello, Jeff. C'est juste son touch qui m'a fait rire. Alex Touch. Alex Touch. Non, c'est Tuck. Alex Tuck. Touch. Mais bon, le bon Jeff, il y a un écouteur dans l'oreille. Puis ouais, il c'est vrai qu'on voit l'airpiece. Hein? J'aimerais tellement ça entendre la voix de la personne. Ouais, moi aussi. C'est Chantal. C'est ouais, du Chantal. C'est ça, c'est sûr. Mais Jeff, il a comme des paupières par-dessus les yeux à moitié. Tu sais, c'est, mm-hmm. C'est drôle. Drôle des yeux en triangle. Ils ont tous des poches en dessous des yeux. Il n'y a pas beaucoup d'yeux. Il reste plus grand. Ses yeux, il en reste. Il y a pas beaucoup de front et puis beaucoup de yeux. On les cherche, hein. Moi, j'aime ça, ça va. On dit dans le chat, Gorton a l'air fâché. Ouais. Il a l'air simplet. Il a l'air simplet. On va venir à nous autres encore une fois. Voilà. Bon, ça me prend mes excès. Ça va mieux quand j'ai du papier que mon téléphone. Ouais. Extrait numéro 2. Est-ce que tu es satisfait de Suzuki? Le bon vieux papier. Ouais, c'est bon de brûler des arbres. Est-ce qu'on était satisfait de Suzuki comme leader dans l'équipe cette année? Sur la glace, oui, on a vu une grande progression de Nick encore. Comme joueur. Puis je crois aussi dans la chambre. Mais je crois qu'avec un jeune joueur, je m'attends autant qu'il va continuer à progresser sur la glace, il va continuer à progresser puis d'être plus à l'aise dans son rôle comme capitaine d'une équipe. Puis je pense que c'est toujours normal de... je l'ai vu à Boston avec Patrice Bergeron. Il a continué à apprendre comment être le meilleur capitaine possible. Il l'a comparé à Bergeron. Je vois beaucoup de similarités dans les deux personnalités. C'est gros, ça. C'était son agent, Bergeron? C'était. Oui, c'est son agent. Ah, il avait les yeux fermés. Il avait les yeux fermés. Bon. Puis, tu sais, Nick Suzuki, là, non seulement il produit, mais il ne faut pas oublier une chose. Par contre, c'est un très bon défenseur cloué. Puis, tu sais, quand tu regardes les points des défenseurs dans la Ligue nationale, je pense qu'il a fini quasiment dans le top 10. Il a même eu plus de points que Brandon Point. Il a eu plus de points que Zibanejad. Fait que, écoute, je pense qu'on a quelque chose de bon entre les mains. Fait que merci à Marc, ou même j'aurais dit merci à notre ancien capitaine Max Pacioretty parce que ça nous a rapporté Nick Suzuki. Puis on était chanceux de l'avoir parce qu'au début, Bergevin tenait à avoir Cody Glass. Il a dit non, on va te donner le chinois. Puis Témin a dit go for it. Puis là, on a ramassé notre nouveau capitaine. Ça s'est merci passé de même. Merci, on va te on donne le chin Chuck. Merci, Pacio. Sacrément. On donne le chin Chuck. Mon plus, c'est Pacio, moi, cette année. Ah ouais, hein. Il a joué combien de games, Pacho? Il est encore là. C'est moi que ça s'est passé. J'entends son nom, je suis Pacho. Je suis encore là. Il joue à Washington. J'entends ça, je suis Pacho. Je vois ta fuck. Mais ça s'est passé de même. On va te donner le chinois. On donne le chin. Pacho Eddy, il y a un mole qui se promène à Washington. Ouais, puis il ne faut pas oublier que Nick Suzuki, c'est le neveu de le gars, là, style écologiste. Là, David Suzuki, c'est son neveu, man. Really? Tu savais pas ça? Ah, là, c'est je son le respecte neveu. Encore plus. C'est pour ça qu'il est instruit. Chris, il doit avoir des cours d'été. C'est pas un tout croche. Son nom qui apprenait la nature. Il y avait des cours d'été avec Neil deGrasse Tyson. Il se ramassera pas dans les bars à faire de la poudre. Du coco. Non. Ben là, par contre, il faut souligner une chose. Il va se marier parce qu'il a été fiancé à sa femme. Pas besoin de souligner. Ah, c'est du cute. Ben ouais, mais félicitations aux autres. Fait que c'est un gars sérieux. T'sais, à son affaire, il est là pour jouer au hockey. Puis c'est ça, tu sais. Ouais, c'est le profil d'aujourd'hui. T'sais, si tu regardes un joueur de hockey des années 80 qui était capitaine, c'était plus sa poudre. Aujourd'hui, lui, il est plus, mettons, c'est. Propre, là. Ça va prendre le soundboard. Il prend du créatine, peut-être. Du créatine. Il prend des suppléments, mais de bonne qualité. C'est naturel. Naturel. C'est ça. Merci à Mike Matheson. En fait. Pour continuer sur le mariage. Hey, c'est grave dans le chat en ce moment. J'ai appris à Tellement Hockey, un bon petit podcast de Radio Can pour faire un peu de pub. Ouais, il y a pas Yang Suzuki. Ça a l'air que Anderson, Gallagher et j'ai oublié l'autre qui se marie cette année. Pezzetta? Non, je pense pas que c'est Pezzetta, j'ai oublié qui. Evans. Evans, on l'a oublié. Fait que félicitations à tous les nouveaux mariés, nouvelles mariées pour cette été. Bravo. Puis je tiens à souligner aussi, un petit parenthèse à Anderson. Mais depuis que son meilleur ami a signé au Colorado, Anderson n'est plus le même homme. Le bon Joe? Ouais, les deux étaient bien proches ensemble, ça se pratiquait ensemble. Consulter ensemble. Tu penses qu'il y avait des rapprochements dans la chambre, ouais? À se pratiquer dans la douche ensemble. c'est un extrait qui va être sur TikTok. Alex, c'est une rumeur, ça. Ah oui, c'est sûr. De son chandail, hein, toi? De qui? À Drouin. Ah oui? L'as-tu vendu? Non. Il a perdu la valeur. J'ai même le chandail de Galchenyuk. Le fuck? C'est le gars qui a dit « I'm gonna end your bloodline, un policier. Hey, » C'est quoi ce moment-là? En plus, le chandail blanc, Galchenyuk. Le gars qui arrêtait pas de dire qu'il était pas prêt. Qui veut? C'est le Drouin, il est quelle couleur? Rouge. Rouge. Signé, en plus. Signé, Drouin. Officiel, signé. Il est pas prêt. Ça vaut. Avec le numéro 27. Combien tu l'as payé? Pas le 92, le premier numéro qu'il y a eu. Mais t'as eu une déduction d'impôt parce que c'était un don, ça. Quand il a signé à Montréal? Ouais, j'étais pour Tennis Canada. Quand il a eu 92. Mais tu l'as payé combien pour le fun? Quelques centaines de dollars. Ben, il l'avait dit l'autre jour. Mais c'était pour un œuf. Il l'avait déjà dit. Il payait 350 piastres. C'est du quoi? C'est pas si pire. Sachant que c'est un officiel. Ouais. Les officiels, ouais, les gens, j'en ai officiel signé, officiel avec la valeur. S'il gagne la coupe, on va prendre la valeur. Mais c'était un an à camp pour le Tennis Canada. Je m'en suis payé un. Dernière fois, je suis allé au Centre Bell cette année. J'ai mis mon Patrick Roy en arrière. Officiel tout avec un nom, 280 ben, avant taxe. C'est ça. Ouais, mais là, déjà. C'est pas si cher ce que t'as payé. Mais, là, mais là, Galchenyuk, c'est un cadeau. Là, déjà, mais il y a de l'inflation. Je trouve ça drôle. Ouais. Je suis sans cadeau, Galchenyuk blanc. Je sais, what the fuck. Mais, alors, je dis, ah, merci. Mais moi, le blanc, c'est ça. Mon oncle t'écoute la TV. T'écoutes ça? La TV. Merci pour le cadeau. Tu nous écoutes sur la TV. Tu t'écoutes sur le web. J'ai un chandail avec la signature. Je pense que j'ai Guy Lafleur. Moi, j'en ai un autre. Le chandail du centième avec All-Star. Ouais, moi aussi, j'ai l'ai. Ça, j'ai le centième avec All-Star. J'ai signé par PK, Brian Giunta, Alex Salt. Plein de joueurs l'ont signé. Maxime Lapierre. Moi, j'ai un chandail signé Momesso. Moi, j'ai Malahoff puis il a fait une pente de ski. Vlad. Avec le journaliste. Mais question de moi, tu parles de blanc rouge là. Vous êtes plus chandail rouge ou blanc? Rouge. Ah, ouais. C'est pas négociable maintenant. Moi c'est le bleu. Moi c'est blanc quand on le porte. Ah ouais. Ouais, mais blanc dans le temps de la fleur, ben. Parce que quand j'étais jeune, ouais, blanc c'était à la maison. Ouais, c'était au forum blanc. Ben, quand on était tous jeunes, c'était ça, tu sais. Ouais, nous autres, quand on était jeunes, mais avant, avant c'était rouge. C'était ouais. Moi, c'était le bleu rétro parce qu'on avait une défaite automatique. On avait le bleu. Moi, en fait, parce que, en mon sens, à moi, la raison pourquoi je préfère le rouge, c'est que c'est ta couleur. C'est ton symbole. Quand t'es blanc, t'es comme. T'es celui qui n'a pas important. T'as plus de privilèges aux États-Unis. C'est ça, t'es genre. C'est plus de privilèges quand t'es rouge. C'est comme on dirait que c'est qui est dominant. Je suis d'accord avec toi, mais pour le Canadien, je trouve que c'est un petit peu différent. C'est mais, pour les Red Wings. Mais je le trouve très beau. Non. Le chandail que j'ai signé avec mes vieux joueurs, c'est un chandail blanc. Je l'aime. Parce que dans le logo du Canadien, il y a du blanc. Puis on les appelle. C'est une merde, c'est un chandail blanc. T'as trop de privilèges. On les appelle le bleu, blanc, rouge, Chris. Fait que le blanc fait aussi partie de ça. comprends? Oui. C'est pour ça que moi, le blanc, je comme l'aime. Les Red Wings, il y a du blanc et du rouge, les deux. Il y a certaines équipes que ça ouais. fit le blanc. Quand, genre, mettons les Bruins, là, je trouve beau le chandail blanc, mais je trouve que ça ouais, fit pas bien. Tant. Parce que dans ma tête, c'est roux, c'est jaune et noir, les Bruins. Bon, c'est un neveu qui dit dans le chat que le bleu est dégueulasse. Ah, le bleu était... Ah, il est en tabarnak. On est tous d'accord les bleus qui ont essayé sont pas beaux. Il était bien mieux l'autre. Il... Mais blanc, un chandail blanc que j'aimerais serait la fleur. T'sais, Guy Lafleur, okay, son ouais. chandail, c'est blanc. Moi, pour moi, dans ma tête, Lafleur, ça aurait pu l'extrait audio de ce sous-là, il est en tabarnak, là, Pierre. Louis Leblanc. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, non, c'est son frère qui est décédé. Patrick quoi? Chandail blanc. Ça, serait bien Louis Leblanc ah, fuck. Ouais, c'est vrai, les deux sont... Ah non, il y en a un qui est mort, qui est l'autre qui est mort. Billy Beau en blanc, c'est correct, tu sais. Ah, oh, des... Ben non, mais en même temps, ils ont joué pour le Mans, ils l'avaient... Gainé en blanc, c'est correct. Peter Svoboda. Gainé en blanc. Bellows. Bellows. Kirk Muller. Ouais. Haut de line. Bellows. Est-ce qu'il était slow à NHL 94? Donald Dufresne. T'as bon, il avait genre 63 d'overall. Bellows, ben non, il était bon. Il faisait 42 en 94. Il était pas bon. Moi, je l'aimais bien. Il avait son écart de speed, je pense. Mais tu sais, le 35 de Mike McPhee, c'est en rouge. On pourrait aller voir. Patrick Traverse, c'est rouge pour moi. Même affaire pour Poulet. Moi, il y a des noms que c'est rouge, d'autres noms, c'est blanc. On dit le bleu foncé avec le logo en C, blanc dans le temps de Costitine. Mais Métropolite, c'est rouge en ST, mettons. Métropolite, ouais. Glenn? Ouais. Métropolite. Bon, je vous rappelle qu'on est dans les extraits vidéo. C'est comme Hammer Lake. Métropolite. Al Gill, c'est en rouge. Oui. Non, mais c'est ça, il y a des règles dans nos têtes. Pour vrai, on niaise, mais il y a une connexion. Moi, je suis content, mais j'avais le numéro 115. Qu'il n'y avait aucun joueur qui avait jamais porté jusqu'à Al Gill. Mais oui, t'es au 98, mais là, Connor. Là, j'ai toujours pris 98 parce qu'il n'y a pas de joueur près de ça. Il y avait. T'as ça, Gatchel? On a encore un bel joueur du Canadien à soir. Là. c'est... Quand j'avais mon hockey à la table, là, quand j'avais comme 7 ans, là, je me rappelle, j'avais mis le nom de Mike McPhee en arrière d'un des joueurs. C'est-tu le seul nom je que tu Je l'aimais, lui, avec sa moustache. Mais c'est-tu le seul? Est-ce que c'était le seul nom? Je l'aimais, lui, je sais pas pourquoi. Mais man, j'avais 6-7 ans. C'est important, la moustache. Je commençais à écouter le hockey, puis je sais pas, ce gars-là, Mike McPhee. Mais c'est le casse de gland, t'aimais. Je sais pas pourquoi. Le nom, c'est lui, puis Patrick Heroy. Mike McPhee. Moi, mon premier joueur, c'était Peter Stash. Non, mais tout est à Québec, c'est ouais, t'sais? Ouais. You were the enemy. Ben non, moi, regarde. Now you converted. Ben oui. Ouais, c'est ça. Not converted, I like hockey. Non. C'est un newborn Christian canadien. Newborn canadien. Newborn Christian. Moi, j'aime le hockey. Je vais pas on va se passer un programme. Je vais pas encourager une équipe qui vient pas du Québec. Je vais ça va être ça, notre Patreon. On vous encourage. Vous allez devenir newborn Québec canadien. Ouais. En fait, ouais, c'est ça. On rebaptise. On fait des conversions. On rebaptise Dave le prochain début de show exclusif Patreon. La tête de la piscine qui revient derrière. C'est ça, ouais, on lui dunk la tête. You are reborn! Join us, brother! Wow! Ok, prochain extrait, Jeff. Prochain extrait, où vois-tu ton team l'an prochain? Honnêtement, j'attends que les joueurs fixent un objectif au début de saison qu'ils vont faire les séries. C'est leur nature. Ils n'auraient jamais rendu où ils sont dans les rangs professionnels sans avoir un esprit compétitif. Mais je m'attends aussi que dans l'Est, que les joueurs de chaque équipe vont fixer le même objectif. Oh, no shit. Oh. Comment qu'on peut les aider? Premièrement, ça va commencer aujourd'hui dans puis je pense que je sais qu'est-ce que ta question était plus dans l'été. Comment qu'on pourrait les aider? Mais ça commence aujourd'hui. On va faire nos exit meetings, nos sorties, entrevues de sortie. Pas besoin de chantage. Puis on va vraiment mettre l'emphase sur certaines choses. C'est pour avancer, c'est pas juste d'arriver au mois d'octobre prêt à jouer au hockey. C'est jusqu'à quel point que les joueurs vont prendre ownership. Comment est-ce qu'on pourrait prendre les choses en main, mais c'est plus, c'est comme, c'est leur équipe. Yeah. Comment qu'il veut progresser comme une équipe. C'est pas juste j'ai besoin de m'entraîner puis faire mes certaines sessions sur glace. C'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour pousser l'équipe. J'ai vu les commentaires de Mike Matheson qui vient de connaître la meilleure saison de sa carrière pour dire je vais tout faire pour continuer à progresser. Puis à 30 ans. Puis quoi? Puis à 30 ans. À 30 ans? 30 ans. Puis à 30 ans. Je suis pas sûr qu'est-ce qu'il y a à la fin. Il y a 30 ans. Puis à 30 ans. être rendable. Hey, mais je peux juste dire quoi rapide là. Je vois Power Jeff qui fait des commentaires à paire de couilles, c'était écœurant. C'est oui. Jeff, je viens d'avoir un flash pour ceux qui connaissent ou qui ont écouté les Mystérieuses Cités d'Or quand on était jeunes. Oui. Les Olmecs à la fin, asti, ils n'ont pas un cheveu sur la tête, je me souviens bien. Les il y a Olmec. Un peu une face de même, Ken Hughes. C'est moi qui est fou. On dit intelligent, mais j'écoutais pas c'est ça. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, les Olmecs à la fin, ils étaient habillés avec des toges. C'était comme des. Il y a le Master of Disguise. C'est la phase de Master of Disguise. You must have some smooth balls. C'est vrai que c'est très très poilu du bas du dos. C'est ça. Mais c'est belle réponse, non, mais gars, je pense qu'il dit, il dit qu'est-ce que GF a dit. Ils veulent que. Ouais. Il s'est dit, je veux qu'ils veulent faire les séries, mais ils ne s'attendent pas qu'ils fassent les séries. Mais voilà. Votambo va tout scraper. Mais tu vois, c'est ça qu'il dit. Ouais, ouais, mais c'est ouais, ça mais là, s'il scrape ça, toi, tu dis qu'il va faire les séries. Il dit au début. Non, ils ne font pas les séries. Ils vont essayer de faire les séries, mais Motambo va leur scraper ça. Là, tu vas donner son plus l'année prochaine, s'ils scrapent ça. S'ils font pas les séries, tu peux donner un plus. Mais vu que tes attentes sont faibles, s'ils performent bien, tu n'auras pas le choix de donner tes plus. Je vais donner mes plus probablement. Mettons qu'on finit premier dans la conférence. Là, je serais extrêmement surpris. Premier dans la conférence. Je serais extrêmement surpris. On n'est pas prêt. What the fuck happened? Je sais pas. On va avoir à la défense, je te dirais, au moins une recrue qui va faire partie du top 6. Ils vont tasser un vétéran au cours de la saison qui est David Savard. Ça, c'est quasiment inévitable. Je sais pas, man. Je te dis qu'il va. Chris, son contrat finit l'année prochaine. Ouais. C'est sûr qu'il va se faire échanger. C'est sûr. David Savard ne signera pas de contrat à long terme. Sauf si Madison, parce qu'il reste encore 3 ans dans son contrat. La seule manière qu'il reste à Montréal, quasiment, je suis d'accord avec toi, c'est s'il prend un contrat ridicule de 1,5 2 millions par année pour 2 ans, mettons, pour finir sa carrière à Montréal. Mettons. C'est ça, mais ça va dépendre encore là. Tu sais, à droite, là, t'as Savard. Après ça, t'as Kovacevic. Lui, on s'entend que c'est des calices. Ensuite, t'as Rainbacker. Fait que ça va dépendre où est rendu Rainbacker. Ça va dépendre où est rendu Justin Barron. Faut pas oublier que Justin Barron, pour faire une parenthèse, je pense que Justin Barron va avoir une courbe de progression semblable à celle de Jeff Petrie et Mike Matheson. Mike Matheson a atteint sa maturité à 27-28. Jeff Petrie, pareil. Je pense que Justin Barron, c'est un late bloomer aussi. Fait qu'il Barron? Justin Barron, oui. Je te dis, je pense qu'il y a un truc qui va se faire échanger. Là. Moi, je pense possible, aussi. Ça dépend moi, de l'offre. Mais ça pourrait être une très belle valeur. Par contre, si on y va avec ce que tu viens de dire là. Ouais, ça va dépendre. Puis là, après ça, ben, tout ça va mettre en compte que Savard va se faire tasser probablement par un des jeunes parce qu'il y a Logan Mailloux aussi. Ouais, exact. Puis après aussi. Ça, à gauche, mais Matheson va encore rester là parce qu'ils ne sont pas encore mûrs. On est bien nantis. On a des heureux problèmes. Nos droitiers arrivent. C'est ça. Ryan Backer puis Mailloux. Mais Ryan Backer, tu sais, je veux dire. L'année prochaine, il va jouer à Laval. Là. Je m'attends à ça, mais tu sais, tout va dépendre. On vient de te dire belle utopie, mon Jeff. Ou on parlait de moi, peut-être avec mon premier conférence, ça se peut. Là. Ouais, okay. Ça une farce en passant. Rainbacker, ça va dépendre de comment son tournoi des recrues va aller, puis comment ça va aller aussi au camp d'entraînement, parce qu'il faut qu'il tasse Savard, il faut qu'il tasse Barron, il faut qu'il tasse Kovacevic, il est encore là. Puis ça va dépendre. Goulet, s'il joue à droite, il faut qu'il tasse aussi. Fait que, tu sais, c'est pas assuré. Là. Même Logan Mailloux, c'est pas assuré. Je suis vraiment pas. Non, moi, je suis pas convaincu de ce gars-là. Non, il y a encore besoin de prendre du millage. Mais je pense que sa courbe de progression, on va être. Parce que, offensivement, la NHL, il était. Mais c'est qui est allé voir un game, la NHL? American, c'est toi qui t'allais voir. J'étais allé voir le Rocket. Puis qui était pourri pendant la game. Ah, il était dégueulasse, man. Il était vraiment. Je le checkais là, dans le game là, au Rocket. Puis, tu sais. Faudrait se payer une game au Rocket à Manny. C'est tellement pas cher. Ça, c'est le billet de saison, tabarnak. Hey, ben, billet de saison. On va aller voir. Peux-tu sonner pour moi, ouais. Tout le monde, trois. Bon. On va passer à un extrait, puis je vais vous donner vos billets. Aubergine à boire. Aubergine à boire. Nice. Extrait numéro 4, on demande est-ce que tu penses faire des changements au team? Qu'est-ce qu'on va faire pour leur aider à se rendre dans les séries? À chaque été, on essaie d'améliorer notre équipe. J'ai dit d'essayer d'accélérer notre construction compu. De l'équipe. Compu. S'il y a des moyens de le faire encore, des options de faire des échanges pour continuer à avancer notre objectif, on va tout chercher. Mais on ne le fera pas à tout prix. On ne le fera pas si ça nuire à notre objectif à long terme. Fait qu'il changera pas, il prendra pas de raccourci dans le sens. C'est screenshot là. Qu'il changera pas de choix repêchage ou de joueur recru pour aller chercher un joueur, mettons, dans la trentaine. Ouais, fait bien. Pour répondre à la question qui demande Harris, il va où dans AHL? Je réponds à ta question, il ne peut pas aller dans AHL sans passer au ballotage. Ouais, fait qu'ils vont garder Harris, ou le changer. Ben, exactement. Puis, tu sais, faut pas oublier une chose, là. Présentement, Canadien de Montréal a un choix de première ronde à le nôtre qu'on va garder. On a celui, puis, de Winnipeg. Celui de Winnipeg, qui est présentement 27e, puis peut monter jusqu'à 24, tout dépendant des équipes qui vont se rendre dans les quatre derniers. Mm-hmm. Ça fait 2 années de suite que Montréal échange des choix pour aller chercher un joueur d'avenir, Kirby Dove, là, 2 ans, Alex Newhook. Est-ce qu'il va faire un autre move cette année? Je m'attends que oui, parce que l'année prochaine, on a déjà 2 choix de première ronde. On a le choix des Flames de Winnipeg qui est conditionnel, tout dépendant de la performance. Ça, je peux l'expliquer plus tard. Puis aussi, on a une congestion en défense. Fait que je m'attends que Kent Hughes... Il a dit, je ne sais pas si c'est un audio qui va répéter ça, sinon je vais sauter tout de suite au point. Il a précisé qu'on a besoin de grossir à l'attaque et avoir du talent. Il est conscient que Montréal n'a pas beaucoup de talent offensif. Donc, d'après moi, c'est ce qu'il va aller chercher été, ouais, possiblement. Mais qui, je ne sais pas. Il y a des rumeurs sur Trevor Zegras. D'après moi, il va coûter extra cher. Patrick Laine, mais ce que j'aime pas avec lui, c'est son 8,7 millions par année. Ça, c'est rough. Plus cher. Je me suis soutenu avec un fan de Columbus que j'envoie chier présentement. On le salue. Ouais. On le salue. Sur Twitter. Le pire, c'est qu'il parlait français, sur X. Patrick Laine, on s'entend une chose. Il est allé en. Il y a quelqu'un de blessé. Il a joué 18 games. Puis moi, ce que je pense, c'est que Martin Saint-Louis pourrait être un gars qui pourrait le relancer, mais je pense aussi qu'il est pas heureux à Columbus, tout simplement. Est heureux à Columbus? Il n'y en a pas un tabarnak. Écoute, avec toute l'histoire de Mike Babcock chez les enfants, ça a tourné au vinaigre, cette affaire-là. Puis même le DG s'est fait colisser dehors aussi, le Finlandais. Kekalainen. Fait que, tu sais, ça peut être lui. Il va aller chercher un joueur... mettons un avant qui a un avenir, mais que whoops, ça avance pas. Tu sais, comme Kirby Doc à Chicago, ils se sont débarrassés tout simplement. Alex Newhook, ils ont préféré chercher un vétéran, ça n'a pas marché, ils ont été chercher un autre jeune. Alors, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'on va faire et quel prix qu'on va payer pour. On va-tu payer le gros prix pour chercher un Trevor Zegras? On va payer un prix, mettons, un first pick puis un deuxième pick pour aller chercher un autre joueur été. Mais je suis d'accord avec Power Jeff, là. Patrick Laine, je le veux pas. Moi non plus, je le veux pas. Ce gars-là. On joue au hockey, pas Fortnite. Ça relance. Il est à 8,7. Mais c'est parce que de la fond, c'est cher. Il n'a jamais prouvé. 8,7. C'est ça le problème. Non, c'est ça. Mais tu sais, je pense pas que c'est un joueur qui va avoir une. Tu sais, on n'a pas. Selon moi, là, on n'a pas assez. Un groupe vieux qui est assez solide d'un point de vue culture de team qui veut l'établir avec le nouveau noyau de jeunes. Ça fait pas. Pour qu'un gars de même à problème arrive, il va fucking chier. Si dans 3 ans, mettons, quand le noyau qu'on a actuellement est solide et a déjà commencé à grandir, peut-être un peu plus amener un gars potentiellement un peu problème, mais qui peut ajouter la touche manquante. Mais pas au moment où est-ce qu'on en est. Laine, il va fucker le chien. Mais Zegras, en même temps, comme Malet dit, moi, je pense que ça va coûter la totale, ça. Là. Présentement, sa valeur est au plus bas. Parce que. Mais en même temps, c'est parce qu'on dirait qu'il y a comme une. Je pense que le kid, il vient avec un peu comme une aura, là. Parce que, tu sais, il est populaire. Il fait des parce Michigan. Parce que les jeunes. C'est exactement, il fait des Michigan, puis les jeunes trippent sur Zegras parce que. Fait à cause de ça, ça lui donne comme. Pochette de Nature 23. Comme un peu soufflé. Oui, mais il n'a pas connu une grosse saison. Il a été blessé, c'est connu. Il est malheureux présentement. Il s'est fait tasser, il était centre, ils l'ont mis à l'aile à cause de Leo Carlson. Après ça, ils ont été chercher Cutter Gauthier, un autre attaquant, joueur de centre. Il était prêt à se faire tasser, puis Anaheim, présentement, ils ont besoin de défenseurs. Fait que, tu sais, je sais pas si je peux. Tu sais, t'échangerais-tu premièrement Harris, Barron. Ils ont pas mal de défenseurs. en fait, c'est pour ça qu'ils vont se débarrasser de Drysdale. C'est ça qu'il a dit cet été. Ils ont leurs défenseurs. Ils vont aller vouloir avoir plus d'attaquants, d'après moi. Il a dit cet été qu'il voulait avoir un défenseur. Sérieux? Ouais, c'est Pat Verbeek, le trou de cul. Fait que. Pat Verbeek, il est vraiment old school. Fait que moi, je pense que Pat Verbeek. Tu sais, mettons, là, je te donne un exemple. Je pense que Dave va dire oui tout de suite. Mais si eux autres te demandent, mettons, un choix de première ronde, exemple, mettons. Mettons qu'ils sont prêts à prendre le choix de Winnipeg. Est-ce que tu es prêt à laisser partir un gars comme Jack Eye si Pat Verbeek qui dit « Moi, je veux Jack Eye. » Right away, moi. Mais oui. Jack Eye? C'est ça ton choix? Mettons que Pat Verbeek... Il dit un first round pick avec Jack Eye. First round pick avec Jack Eye. Mettons le pick de Winnipeg avec Jack Eye, oui. Pour Zegras. Ben oui. L'affaire qui me fait rire, Dave, c'est que j'ai fait un semi-sondage sur X. Le monde disait non. Il y a beaucoup de chums à GC, là. Puis le monde dit t'es tombé cave, Jack Eye, il jette les gains, capable de se battre, il est meilleur que ci, meilleur que ça. Tu vas pas rentrer X ici, là. Il y a un bon shot, Jack Eye. Oui, il frappe, puis... Mais je l'aime, Jack Eye. Tu l'as dit aussi, il y a peut-être une Jack durée de vie qui est moi, très... Oui, il est remplaçable. Il est très remplaçable. Mais je peux te dire de quoi? Par un jeune qui monte de la AHL qui est un peu bâti. Tu sais, c'est comme, vas-y, mon homme. Je vais amener de la nuance un peu, mettons. Matheson, qu'on dit. Où est-ce que Anaheim a fini cette année, puis où est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils finissent dans le probablement top 24 l'année prochaine? Je veux le pic de Anaheim contre Jack Eye à ce niveau-là parce que ça va être un top de la première ronde. Ben, je mais pense pas si, que... mettons, c'était le choix de, je sais pas, je vais dire Chris Vegas qui est comme 23e, je sais pas si j'échangerais Jack Eye qu'on veut un 23e que c'est pas certain si c'est un joueur qui va avoir de l'impact puis ce joueur-là va peut-être être prêt dans 4 ans seulement. On dirait que j'aimerais mieux, tant qu'à trader pour un late choix de première ronde, j'essaierais d'aller chercher un prospect déjà dans l'équipe qui a déjà été repêché. Établi. Fait que ça va être à voir cet été, mais ça va être intéressant. Ça fait partie des spéculations présentement, mais moi, je pense que Logan Mailloux, il amène un aspect physique. Ekstrom, qu'on parlait, qui était signé un contrat, il amène un aspect physique. Je pense que Jack Eye, même s'il amène une dimension différente que tous les autres défenseurs, mais s'il te demande Jack Eye pour Trevor Zegras, si tu dis non, t'es cap. Drakel, je comprends ton point, mais qu'est-ce que tu fais avec savoir après, tu vas le perdre. Tu l'échanges. Ouais, à non, la non, fin lui, la... il dit Matheson contre Zegras, mais après ça, tu non, fais un non, spot, non, mais jamais tu vois, qu'Anaheim va changer. Mais après ça, savoir, là, tu fous de garder les deux vétérans, ça veut dire que tu gardes savoir. Ben, tu vas commencer la saison avec savoir, puis Matheson. Non, non, lui, je parle, qu'est-ce que lui dit dans le chat, là. Ah, OK. Il dit Matheson contre Zegras, ouais, puis après ça, tu libères un spot pour un jeune. Mais ça, ça veut dire que tu gardes savoir. Moi, je garderais plus Matheson. Ben, savoir, tu le gardes jusqu'à la date limite. Mais je parle avec son trade. Okay. Les boys, je vais vous lancer quelque chose. On parle des Zegras, là, OK? Puis là, hypothétique à fond, ce que je dis là. On a vu ce qui se passe à Toronto, même s'il passe la série, ouais, mettons. Toronto, c'est une baisse. Marner, là, avec les troubles qu'il y a là. Depuis le début de la semaine, il y a de la merde qui arrive un peu. Tu fais fille, ce gars-là, mais Marner, c'est là, une mauviette. Si, non, pas mais, capable mais, de... Fin, je suis d'accord c'est avec vous autres. Pleuré sur le bec. Mais... Oh, ouais, puis ça, c'est les gants. Il se fait taper sur un petit peu en avant du net, tombe à terre, regarde le ref. Mais... Marner... Fucking playoffs, man. Marner, Zegras. Oh, Marner. Qu'est-ce que t'as dit? Zegras, tu penses Marner ou Zegras? Marner. Oh, maintenant, je prends Marner n'importe quel. C'est ça, mais je veux dire, si Marner devient, même s'il est à chier en série, puis c'est une chance. Regarde, il va t'amener des séries pendant la saison, puis après ça, c'est correct. C'est pas juste ça, c'est un patch ready. Non, mais ton joueur de talent, tu vas l'implanter dans ta culture, puis tu peux le développer encore, parce qu'il est encore. Marner Pissot tellement, tu peux encore le développer, puis. On dit 1-0 Vancouver, il reste une minute 30. C'est la série que j'ai plus regardé, Toronto-Boston. Mais où est-ce que. Puis fuck, tu sais, je veux dire, lui, Matthews. Tavares, vraiment, là, wow. Ces gars-là en série sont juste pas capables. Nylander, je l'adore. Mais Nylander, c'est le seul, qui va dans... C'est le seul qui va qui se met le nez dans le trafic, man, puis qu'il y a ses gaillards. Il a scoré deux buts. Mais c'est le seul. Là, man, ces trois autres-là, là, man, c'est pas des joueurs de série. Je suis complètement juste, d'accord avec sont toi. Ils sont pas capables de la gagner. Il y a des gars comme Nice qui ressortent, genre. Exactement. Ah, Nice, il est hot. Hey, man, lui, pour le vrai, je suis comme, wow. Moi, c'est comme bon. Nice, lui. J'adore Nice. What the fuck is Nice? Moi, cette année, je suis comme joueur de Matthew Nice, c'est le gars qu'on aurait pu repêcher à la place de Logan Mailloux. Mais c'est pas vrai. Mais Mailloux, à date, je ne jugerai pas. Mais j'ai pas vu jouer Mailloux assez. Trop tôt pour juger. Mais Nice, je veux dire, j'étais assez comme vraiment comme. Puis les fans de Toronto disaient que Matthew Nice était meilleur que Slavkovski, puis aujourd'hui, ils se font mettre un bâton dans le cul. Mais en même temps, c'est la première saison de Nice, qu'on va voir. Ouais, il fait 30 points. Marner, tout ça pour dire que, tu sais, si. Je le prendrais, moi. Si ça explose, comme on a vu sur le banc, puis que ça ne fit plus, puis qu'ils se font éliminer, mettons, dans deux jours contre Boston, finalement, là, il va avoir de la merde, il va falloir que ça change. Parce que ça fait trop longtemps que c'est la même affaire, puis qu'il essaye, puis qu'il n'y a pas plus de résultats. C'est ta affaire, je me dis. Ouais, Taravant, il s'en va. Si Marner devient disponible sur le marché, est-ce-t-il? Il sera pas. Avec son contrat à 10,9, il n'y a personne qui va toucher à ça. C'est beaucoup trop, puis il reste deux ans, puis il devient agent libre. Mais Tavares, il reste un an. Puis d'après moi, tu c'est prendrais pas le bet parce que la valeur de Marner, sachant que ça fait de la merde de même, la valeur de Marner sera pas aussi haute que qu'est-ce qu'il peut t'amener. Non, mais son salaire, c'est son salaire à 10.9, c'est pas n'importe quelqu'un qui peut le rentrer dans. Je suis d'accord avec toi. À moins que tu l'échanges, mettons, à Utah, mais tu sais, qu'est-ce que tu. Utah, il irait pas chercher un Marner à 27 ans si c'est un club en reconstruction. Complètement avec toi, mais moi, mettons, Marner, je le prendrais si disponible. Et ouais, pas trop cher, je le prendrais avant Zegras à Montréal. Ouais, c'est ça sûr. C'est sûr. C'est juste mais on que s'entend, c'est très hypothétique. Dans ça, un là, monde là. De masse salariale, c'est très difficile de faire rentrer un gars comme Marner dans ton club. Je suis d'accord que c'est un crybaby, mais si on parle de Zegras, mettons en disant que potentiel pour Montréal, j'aimerais. Tu penses que Zegras avant Marner, mais Zegras, là, il a fait. Je pense que c'est pas l'année passée, avant de signer son contrat, je sais pas trop, même cette année, qu'il a manqué le début de la saison parce qu'il boudait. Fait que c'est pas mieux que Marner. C'est pas parce qu'il boudait, dans le fond, parce qu'il était en négociation de contrat. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont fait ça aussi. Fait que ça, c'est pour moi, c'est pas un facteur. On est les experts. Tu aussi expert que nous autres, je pense. Ce qui arrive avec. Tu sais, on dit Marner, c'est un crybaby, blablabla, bla, bla, bla, bla, mais à chaque fois qu'il y a une vedette disponible, puis qu'on dit on veut-tu l'avoir à Montréal, tout le monde dit que c'est des. Ah, oh, il est pas bon dans la chambre, il braille, c'est un trou de cul, c'est un ci, c'est un ça. T'as 23 joueurs à ton équipe. Un moment donné, là, si t'as un gars qui est, mettons, fouteur de tourbe, peu importe comment vous pouvez nommer ça, là, tu le mets dans un club où il y a 22 autres joueurs qui sont drettes, le joueur va maturer. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Jack Eichel. Tout le monde disait que c'était un crise de trou de cul roux qui est frisé en plus. Il a gagné la coupe à Vegas. Ouais. Le raciste en Valérie. Et en plus, cette année, c'est encore... Il était un facteur. Il a embarqué, il s'est placé. Il mature, puis à un moment donné, c'est tout le rôle des coéquipiers de le mettre à sa place. Quand il a vu tout le monde marcher droit dans cette équipe-là, il n'a pas eu le choix. Power tandis Jet, qu'à Buffalo, il n'y avait aucune culture. Ça dépend des leaderships. Puis à Toronto, on peut poser la question, là, c'est qui les leaders à Toronto? Là, je suis certain que le monde aurait de la difficulté à répondre. Puis donnez-moi pas Patrick Eves. C'est quoi son nom, le gros? Ryan Reeves. On peut plus parler de la même affaire. C'est une autre gang qui administrise le club. Les gars, c'est des loafers. Puis Power Jeff, c'est hot que tu donnes ton point de vue aussi. Si tu nous fais jaser puis tu nous fais embarquer. Fait que, puis je vous rappelle qu'on est sur les extraits audio-vidéo. Ben raison, en Colorado. McKinnon puis tout prenait son choix. Ah oui, mais hey, McKinnon, là, clairement, il y a de la fibre. C'est où le nous c'est quoi le nom de la ville où ils sont nés, lui puis Crosby? Ah, oh, tabarnak, c'est un trou assez intéressant. C'est Barry. Arbor, quelque chose Arbor, New Arbor. Pearl Harbor. Pearl Harbor. Il est né sur le bateau. Il est né sur la rue Kamikaze, Pearl Harbor. Il est drette, puis ça a l'air que c'est un hardcore de nutrition, d'entraînement, puis le kit. Fait que c'est clair qu'à Colorado, mange des carottes avec le chien. C'est straight edge. Des céleris. Un gars plate. C'est un fou, là. C'est quoi, Manny Crosby, il s'entraînait avec un été, là, avec McKenna. On s'attaque à Crosby, c'est Monsieur Hockey. Là. Lui, là, c'est quoi le terme quand t'es un fucké? Monsieur Hockey. Là, tu te mets à gratter parce que t'es autiste? Pas portable. Ouais, c'est un autiste du hockey. Puis McKinnon, à un moment donné, il s'est entraîné avec. Puis là, il commence à crier. J'aimerais-tu le faire sentir mal? On a fait le cercle complet dans cette non, non, mais Chris, c'est un terme là, comme Ben Affleck dans Le Comptable, esti. Je vais le faire sentir mal. Non, Alex, esti, je veux rien dire de mal, mais tu comprends ce que je veux dire? Le gars, c'est un mangeur de hockey. T'sais, le gars, là. Non, c'est là que ça se passe. Mettons, il se prenait avec sa blonde, esti, ils sont au Mexique. Il y a une patinoire. Puis là, il va dire, moi, je veux jouer au hockey là. Mais McKinnon, à un moment donné, il s'entraînait avec Crosby. Puis il criait après. Il disait, ouais, esti, bouge ton cul, tabarnak. C'était genre un 23 juillet, esti. Je viens d'Halifax en passant. Là. Ben c'est ça, Crosby, la ville, Halifax, c'est où? C'est un Halifax roi. La Nouvelle-Écosse. Ah, j'ai chaud. Putain de... Non, mais Harbor? Oh non, c'est Cole Harbor. Cole Harbor, c'est Halifax? Oh. Non, mais Halifax, c'est une ville en Nouvelle-Écosse. Oui. Non. Halifax, c'est une ville Nouvelle-Écosse. Cole Harbor. Speed, marde. Halifax ou Cole pendant qu'Alex check, on va aller sur le 5e extrait audio vidéo. OK, mais gars, ça a joué. Il a joué. On a dépassé la période. C'est les Nova Scotia, guys. He was born in Halifax, mais il a grandi à Cole Harbor. Yes, I'm kidding. Je me sens mal. Je me sens tellement parce que je voulais pas comme dire de flèche. Monseigneur de jeu, on en parlera en troisième période. C'est un compliment, je vais faire à Crosby. Moi, je regarde des vidéos fuckées. Hey, Vancouver en deux. Troisième période. On a des news fresh pour la troisième tantôt, mais il faut finir la deuxième avant ça. Vancouver. Vancouver. Il reste trois audios, fait qu'on va finir là-dessus. On s'est laissé emporter. J'ai presque une sœur. La prochaine, on a demandé au bon Kent une question Alex très stupide. Ouais. Non, non, non. Question très stupide. Comment on fait pour avoir moins de blessures dans l'équipe? Je pense que Renaud, encore, c'est une chose que ça commence demain. Renaud. Aujourd'hui, c'est les joueurs. Après ça, on va faire les rencontres avec notre équipe médicale puis toutes les autres départements des opérations d'hockey. Puis on va toujours évaluer les moyens qu'on peut s'améliorer. Ben oui. Ça peut être aussi, y a-t-il des choses qu'on peut faire au niveau d'entraînement? Je viens de réaliser que Gorton, il est bien trop serré dans son esti jacket. La plupart sont des manches. Les bras, là. Check, ils se jouent après l'oreille. Ils sont cool dans son petit earpiece. Des blessures comme Kirby, comme Herpes? Comme Arbor, comme Alex Newhook, puis Harvey Pinard. Alors, c'est des blessures sur glace. Je ne sais pas à quel point qu'on peut se protéger contre ce type de blessure, mais on va continuer à évaluer des choses qu'on peut faire pour qu'il soit plus nimble ou quoi que ce soit. Pour moins susceptible de se faire faites blesser. Du stretching, du yoga, guys. You're gonna do yoga every goddamn week. À quel point c'est une question stupide, ça? Oui, puis comment on peut faire pour éviter les blessures? Parce que l'année passée, on crissait tout le monde dehors, puis on a vu que peut-être que c'était un problème. Les traitements, c'était pas bon. Non, mais tu blesses à la glace. Il y a un point que les journalistes comprennent pas, là. Vas-y, Mallet, t'es dur que nous. Là. Il reste trois affaires, pas en pause sur un rant. Ouais, non, non, c'est juste un commentaire comme ça. Il reste deux audios. La raison qui n'aide pas le Canadien de Montréal au niveau des blessures, c'est que c'est un des clubs qui bloque le plus de tirs au filet. Les joueurs bloquent beaucoup de tirs, ce qui peut mener à des blessures. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas. Tu sais, Chris, Esti, checkez vos stats, tabarnak, à base de poser des questions. C'est sûr que c'est un gars de TVA Sport. T'as-tu la voix? C'est Renaud. Il a dit Renaud au début. C'est Renaud. C'est Renaud. Renaud, le gars spécialiste de la glace bien froide. C'est merveilleux, j'adore tout. On sait qui fait tarder à gauche, c'est Dave. Ah non, je parle de... c'est moi. C'est David. Chien, son nom, c'est David. C'est David. David. David avec la science circonstance. Tu vois que Gorton écoutait la. Ah, Gorton, mais il est temps qu'il. Ben, puis ses manches, c'est ce que. Ok, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il. Il parlait pas de Dave, il parlait de Gorton, je pense. Il écoutait la tune Euphoria de Kendrick Lamar. Renaud. Avec ses manches, pour le reste, son jacket, t'as raison, il mange bien. On va revenir la prochaine série. Parce que je viens de voir, puis surtout qu'on parlait de t-shirts tantôt, tout le monde avant le show. Là, on disait que les t-shirts, des fois serrés, ça nous faisait monter un petit peu. Puis regardez comment que ça monte pour Gorton, il est juste pas confortable, le pauvre. Là. Le prochain, on a dit, en fait, Tosny Saint-Louis, on fait quoi maintenant avec les adjoints de Saint-Louis? Premièrement, au niveau de les adjoints, on va. Les deux. Check ici. On a réglé. Les affaires avec Martin, on il va porte un foulard, discuter avec les adjoints pour des contrats d'extension. Au niveau d'ajouter l'expérience, on va les rencontrer demain. Bonne respiration. La saison au complet. On va parler beaucoup avec Martin. Mais je crois qu'on a vraiment un groupe de coachs. Ils ont beaucoup d'expérience comme joueurs, mais ils sont chacun brillant dans l'autre. Peux-tu reculer ça 10 secondes? Individuellement. Gorton, il bouge. Okay. Je pense qu'il s'en lâche une. Ils ont beaucoup d'expérience comme joueur. Je vais juste ramener encore un peu. Tu penses qu'il lève un peu la cuisse? Ouais, il se lève la cuisse en esti. Au complet. On va parler beaucoup avec Martin. Mais je crois... On croit qu'on a vraiment un coach. Il vient de lâcher une caisse. Chacun brillant dans l'ordre. Je resterai sur en direction de si on croit qu'on a besoin de l'expérience, de Monsieur Hugues. Que ce soit dans notre équipe de gestion ou de notre équipe de coach, on va toujours regarder. Mais je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, on croit leur placer. D'ajouter un coach d'expérience. Un coach d'expérience. Arrêtez-moi ça. Ça, c'est fini. Ouais, je ne jamais. Tu sais, Robida, je suis bien content de l'ouvrage qu'il fait avec les jeunes. Nice. Letowski, puis Burroughs, qui reste ou qui part, je m'en calisse, honnêtement. Mais Letowski, il avait eu l'air d'être correct pendant une couple de matchs que Martin était parti. Burroughs, tout le monde le respecte, puis il est écœurant, puis il est qui a fait une bonne job dans la Ligue nationale, ce gars-là. Mais ça fait 4 ans, à peu près, qu'il a l'avantage numérique. Mais c'est parce qu'on n'a pas nécessairement aussi les éléments pour que l'avantage numérique s'améliore. Oui, mais les... Non. mais en même temps, il faut y aller avec ce qu'on a. Un joueur de moins, t'as tu devrais être capable de... Même si tu ne comptes pas, tu devrais être capable de circuler à puck pour faire une entrée de zone. Si tu n'as pas un général, puis que tu es... But you need to get the puck in the zone, puis en plus, circuler à puck. Il y a un joueur de moins. Je vais te donner de quoi à ce niveau-là. C'est que si toute l'année, on a gardé la première unité, une minute et demie minimum, à tous les avantages numériques, ça montre qu'on n'a pas de profondeur à ce niveau-là. Ouais, c'est sûr. Non, parce que non, ta deuxième vague, t'avais Anderson. Moi, ce que je veux dire, c'est que, OK, mettons le compte. Tu sais même pas vers le but. Tu fais aucun shot. Tu devrais être capable de te passer la puck parce qu'il y a un joueur de moins avec ton eyes. C'est qui chef d'orchestre dans ton avantage numérique? Je sais qu'il n'y en a pas. Mais. Pas de chef d'orchestre. 5 contre 4, tu devrais être capable, même si, parce qu'on check le shot, là, mais tu serais capable, tu es supposé être capable de bouger dans la zone. Il y a tout le temps un joueur de libre, right? Ouais, mais on n'a pas le gars qui est capable de partir. Tu n'as même pas capable de faire ça. Non, parce que Matheson, d'après moi, c'est pas l'homme pour faire ça. Matheson, c'est un bon gars pour monter le puck. Mais il faut que tu aies la vision de. Tu sais, Matheson. Si tu drop back, il passe en arrière, il ça pour mourir. Mais contrôler le jeu, faire des passes, tu sais, quand tu as tes trajectoires, là, tu as le choix. Tu peux passer la puck à Caulfield, il peut attirer. Slavkovski peut tirer dedans. Même Suzuki peut scorer dedans. Slavkovski peut se crisser devant le net pour couvrir le goaler. Mais ça te prend un défenseur pour amener le puck vers le net. Mais on n'a pas. Juste l'entrée de zone aussi. Le slingshot. Le fucking slingshot. Le drawback, là. On a de Madison, il va le faire. C'est-tu gossant, ça, man? On a de la misère à faire ça. Tu vois les autres équipes. Tu regardes Colorado en série. Tu regardes même Toronto. Est-ce qu'ils rentrent dans zone? Rentrent sur le bord. Puis des joueurs de talent. Dans zone. Non, mais souvent, ils vont rentrer. Oui, des fois, on va faire un peu de drawback. Mais sinon, là, tu vas voir Toronto va rentrer dans le côté de la bande. Oui. Il y a l'autre joueur qui va tout de suite en arrière. Oui. Puis il y a drop. Pendant qu'il est dans la zone offensive, il y a drop en arrière. Oui. Puis là, l'autre continue. Fait que là, après ça, il peut passer au défenseur de l'autre côté. Il faudrait que je shorte les stats. Ils font pas ça Toronto. Aussi dans zone, leur zone, dans zone neutre. Écoute, le slingshot, c'est mieux qu'une couple d'années quand on faisait un dumping pour essayer d'aller chercher à Poco Bicris. Boston peut faire du dumping. Fine, mais nous autres, il y a une couple d'années, on faisait ça marchait pas. Il y a des équipes qui sont capables. J'aime mieux slingshot que ça, mais ça reste que tu regardes notre avantage numérique. Juste pour s'installer dans la zone, les 4 premières secondes qu'on arrive vers la zone, on est déjà là, t'es même pas supposé tirer. T'es juste supposé contrôler la rondelle à 4 contre 5 pis t'es pas capable. Ouais. Que t'aies n'importe quel joueur, là. Tu sais, je veux dire que t'es quand même un joueur de libre, ils sont juste pas capables de trouver parce qu'ils sont pas à bonne place. Ouais. Moi c'est ça, tu sais. Bah, oui, après ça, t'as le but, mais t'as passé la rondelle, devrait pas être si compliqué que ça. Ouais. Non, c'est ça, mais c'est parce que le gars qui part le jeu, on l'a pas encore. Puis c'est pas, tu sais, pas dire en avant de le faire, il faut que ce soit un défenseur qui le parte le jeu. Là. Ben, tu peux mettre en avant, en arrière. Mais est-ce que vous réalisez ouais, ben, tu mettrais Suzuki à la pointe. Non, je sais, mais. Non, mais là, ils ont mis Caulfield, genre, souvent, comme... Puis Caulfield, je ne mettrais pas à point. Tu le mets dans la slot à Ovechkin. Exact. Même chose pour Slavkovski, tu mets ça devant le net, devant le goaler pour y voiler la vue. Mais tu sais, je pense que le défenseur qui pourrait éventuellement faire ça, nous aider beaucoup, c'est Lane Hudson. Mais il faut qu'il se rende là aussi. Commencez pas à mettre sa première vague tout de suite après. C'est beau à voir jouer. On a-tu un autre extrait, là, Dernier, OK, go. Je m'ennuie tellement de Markov, asti. C'est notre dernier. C'est Markov, là, on l'a underrated longtemps à cause qu'il était à Montréal, mais asti que ce gars-là, partout dans la ligue, il était number one. Il était brillant. Le dernier extrait, on a demandé encore une fois par rapport à Saint-Louis. Dans 3 ans, penses-tu que Saint-Louis va être capable de coacher un club rendu à maturité? Je pense que, premièrement, Martin, pas comme coach, mais comme personne, est vraiment intelligent. Pas comme coach. Il est capable de lire comme coach, un moyen. Groupe, de lire un individu, puis trouver la moyen de communiquer de manière de to reach them. Why the fuck is he there? Puis je trouve qu'il est vraiment brillant au côté hockey aussi. Il est bon en anglais. Gorton, il a l'air de dealer avec des brûlements d'estomac tout le temps. Là, là. Alors, I'm not feeling je suis good. Très confiant que Martin est capable de... Si je mange à soi. S'ajuster parce qu'il y a une volonté de s'ajuster parce qu'il sait qu'il n'y a pas toutes les ressources. Les manches de Gorton, ils descendent à mesure que les extraits avancent. Quand il est arrivé, il y avait certaines choses qu'on croyait étaient vraiment importantes pour la chambre, pour la culture. Puis là, plus qu'on avance comme équipe, plus que les attentes changent. Mais Martin, il dit souvent « We can't go from zero to 100 overnight. » Alors, c'est parti de l'édition qu'on prend puis qu'on discute à chaque jour, puis à chaque semaine, puis à chaque mois. Décision, OK. Mais je suis confiant que Martin est capable de le faire. Sinon, on l'aura pas. On aura attendu une autre année avant de déterminer si on prend l'option ou pas. Fait qu'il a signé un contrat de 3 ans. Ouais. Et voilà. Et oui, Gordon, okay, Gordon était là pour parler en anglais. Il y a des questions en anglais, il allait sur une petite oreillette puis il répond en anglais. Mais, ouais. Mais on, il y a une phase de gars suspicieux. Ouais. On gaise bien. On gaise bien. Mais c'est intéressant qu'est-ce qu'il dit. Puis il nous prend pas comme de la merde. Puis je pense, t'écoutes ça, puis Chris, ça fait du sens. Là. Il répond les bonnes affaires. Il dit, like, it is what it is. Ouais. C'est ça. Yeah, on n'aurait pas fait ça, ça aurait pas été ça. Puis, regarde, nous autres, on lui fait confiance. Puis, là, ouais, puis c'est ouais. Le coach, le sixième coach en national qui a le plus d'ancienneté présentement. C'est dégueulasse, ça, c'est fou. Ça va vite, le ouais, mais c'est bien, c'est correct. Là. C'est une nouvelle génération. Ouais, c'est vrai qu'il y a un changement de garde. Ah, ouais. C'est fou. Ouais, oh, ouais. C'est notre homme, Martin. Je pense que c'est le. Honnêtement, là, je pense que depuis que je suis le hockey. C'est le Pat Burns d'état moderne. C'est le plus beau coach qu'on a eu. J'aimais Jacques, j'aimais Pat Burns. Je pense que Martin Saint-Louis amène comme quand Guillaume, je le dis au moment de son entrevue le jour 1, on a besoin d'un coach moderne. Ducharme, ouais. C'est le coach moderne de la salle de bain. C'est Martin Saint-Louis, junior, c'est un fit parfait. Mais je pense que Martin, autant il peut être coach, autant il peut être comme one of the boys. Ouais. Entre autres. Parce qu'il fit comme. Oh, mais c'est fini, le ça papa coach. Ça compte pour un vétéran. Ouais, ça, c'est papa, coach et papa. Parce que tu sais, il est tellement coach et moment. Non, c'est fini, il est tellement proche de la game parce que tu fais. Mais c'était vrai que c'était ça. Ça fait pas 20 ans qu'il a joué dans la Ligue nationale. Là. Ça fait genre. C'est pas une coupe d'année, hockey. Ouais. C'est ça, puis. Mettons 10, là, on va être fair. Je me souviens plus c'est qui. Je pense que c'est Kirby Doc en entrevue à un moment donné. Ouais. C'est la COVID qui me fuck. Randy Cunningworth, c'est un des meilleurs coachs que le Canadien a jamais eu. Hey, Cunningworth. Tu sais. Randy! Kirby Doc, il expliquait, mettons, son temps à Chicago versus à Montréal, puis il dit que Martin Saint-Louis, il laisse les joueurs jouer. De leur manière. Il leur impose pas un crise de système défensif comme Claude Julien, Michel Therrien, Ducharme, Esti, qui sont joués étaient tellement compliqués, tabarnak, là, que même un gars qui a gagné le petit. How to fuck people. Charles, tu joues même. Ah non, Esti, c'est quoi le trophée, le Nortel, là, Esti, quand tu écris un article dans le journal, puis tout le monde capote, là. Chris, c'est un Esti. Le Pulitzer? Le prix Nortel, c'est en prison. C'est du charme. Fait que sur ça, on va aller faire une très courte pause et on vous revient. On a passé le travail pour la troisième période avec Around the NHL. Woo! On est rendu, crête. Hein? La troisième période. Fais-moi peur. Troisième période. Et la troisième période et est c'est... Around the NHL. Around the NHL. Around the NHL. Yeah. No grelot. It's back. Donc là, ça va être Jeff qui va parler de sujets qu'il m'a laissé sur le document parce que voilà, j'ai fait les audios et Jeff a fait les... On dit NHL, fait qu'on va pouvoir parler des séries qu'on n'a pas parlé encore. Pas on n'a pas parlé encore des séries. On va commencer Vancouver, donc, qui passe en deuxième ronde. Vancouver! Bravo! On est content. C'est bravo le couvert. Très, très dark ici. Je pense à fucker mon bracket, par exemple. Je pense que j'avais choisi la Juve. Ah ouais? Moi, je pourrais pas. Mais c'est parce que aussi la Juve. Non, j'ai choisi. La Juve, il a été en feu dans le dernier sprint de la saison. À part Winnipeg, je pense que toutes les équipes canadiennes, j'étais comme. Je pense que j'ai choisi. Ça va y aller, genre. Ben, tu sais, moi. Puis Winnipeg puis Toronto, hein, j'avoue. Moi, j'avais un feeling que Winnipeg allait choquer. Je parlais dans l'Ouest plus, là, mais. Ouais, Winnipeg, Colorado, ouais. C'est une machine. Là. Ouais, exact. Ouais. Mais Vancouver, exact. Tant mieux. Puis, tu sais, Vancouver, ils ont passé une saison de merde à une saison cette année qui a fait un 180 degrés. Fait que tant mieux pour That's eux. That's gonna autres, be là. Fucked mais up, man. Regardez. C'est ça que je choisis comme finale. Yes. Dans le moment que je vois ça, c'est. Vancouver, good. Ils ont une meilleure équipe plus complète que. Ben, Demko, il est blessé. Mais Demko. S'il revient pas pour en quelque part dans la deuxième ronde, c'est sûr qu'il passe pas à la deuxième. Là, ce que je suis moins sûr, là, c'est que là, présentement, Vancouver ont passé. Il va affronter qui là? Je sais pas qui qu'il affronte. Est-ce qu'il affronte Colorado ou. Qui ça Vancouver, il affronte Edmonton. Ouais, il affronte Edmonton. Fait que là, c'est Edmonton, ça. Ouais. On perd une équipe canadienne. Ah, c'est sûr qu'on perd une équipe canadienne. Puis pour vrai, je pense que j'irai avec Edmonton. Ouais. Je pense que cette année. Moi, j'irai avec Edmonton. Ouais. Je pense que cette année. J'ai dit qu'Edmonton perdait contre l'Avalanche. Hey, si Loves ou fucking De Smith ne peuvent pas arrêter le. L'attaque de Edmonton. Puis ils vont être tellement rapides. Quoique, Vancouver est assez rapide aussi. On s'entend, mais c'est pas... Je pense que les séries d'Edmonton cette année ont été un petit peu différentes de ce qu'on est habitué de les voir. Ils sont capables de donner des games à zéro. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je pense que c'est ça la différence. Moi, j'ai choisi Edmonton contre l'Avalanche. Un petit peu plus de grind, un petit peu plus de grit, un petit peu plus de... T'sais. Mais l'Avalanche gagne. Ouais, un peu plus de profondeur. Ouais. On dirait qu'ils vont plus dans... Je sais pas. C'est pas la ça veut dire que le gagnant de Vegas, Dallas, affronterait l'Avalanche. Colorado. Mais Colorado a déjà gagné. Ça va être fou. Fait que là, moi, j'ai choisi Vegas contre Colorado. Après, c'est Colorado contre Oilers. Colorado gagne. Puis moi, c'est sûr, je prends Colorado. Puis là, Colorado-Oilers, mon gars, là, moi, là, je suis comme. Oh, j'arrête. Je prends Colorado. Moi, j'aurais le goût de dire Oilers. Mais moi, je dis que les Oilers sont pas capables de. Je pense que l'Avalanche va être trop fort pour. Ils ont plus d'expérience. J'aime mieux Colorado. J'aime mieux Colorado aussi, mais. En tête, je prendrais pas les Oilers. Mais. Ouais. Mais ouais. J'ai choisi les Oilers en finale, la Coupe, mettons. J'ai choisi les Rangers gagner la Coupe. Mais, OK, mais regarde, en fait, là on pêche tout en même temps. Ouais, pas de discussion. Ça arrive souvent. Jeff, comme tu voulais-tu y aller une série après l'autre? Ah, oui, j'ai mis les sujets en conséquence. Ouais, OK. Bon, ben les Coyotes qui déménagent à Utah. Ouais, OK. Oh, genre, on va parler de nouvelles avec Sandra, après ça, des séries. Ça va être all around the NHL. Fait que... Ah, bien. Qui a encore la bière? Ouais. Fait que félicitations. Qui a repaisé après? Dans le fond, tu sais. Deux fois. Je suis perdu. Deux fois. Il veut deux bières. Ils ont étiré ça une assez longtemps en Arizona. Il y a eu des nouvelles comme quoi qu'ils payaient même pas leur bill à l'hôtel. Puis là, finalement, ils vont déménager à Utah. Le propriétaire des Jazz de Utah de NBA a acheté le club. Fait que tant mieux. Puis écoute, pour les gens qui aiment les conspirations, là. C'est moi, ça. Utah, font partie de la loterie de la Ligue nationale. Est-ce qu'ils vont gagner un choix? On va voir. Mais tout ce que je peux dire de l'Arizona, c'est qu'il y a une affaire que j'aime pas de ce club-là, puis c'est André Tourigny, là, petit trou de cul. Ah, là. J'aime bien, moi. Moi, je l'haïs parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? À chaque fois que je vais au gym, il y a tout le temps son nest. Son segment André Tourigny qui est toujours dans un garde-robe en Arizona en train de parler de ça. Tu sais, pourquoi qu'à TVA Sport on donne 15 minutes à André Tourigny pour parler des Coyotes de Phoenix? Je fais partie de l'organisation des Coyotes. Mais on s'en calisse ça au Québec, tabarnak. Non, c'est TVA Sport. Mais oui, on ça s'en calisse. Ça prend du contenu. Sacrément, ils ont joué dans une école primaire, puis il y avait 5000 personnes pauvres qui allaient voir leur game, puis les bancs des joueurs, c'était des bancs d'inscription physique, puis s'il y avait trop de joueurs du côté gauche, le ballon levait du côté droit. Ça n'a aucun rapport. Puis après ça, mon esti gros GC. Je sais c'est réglé, mais je veux dire que j'haïs André Tourigny. André Tourigny, là, GC dit « Ah, puis... » Tu sais, là, Slavkovski, là, donne-nous ton opinion. Sacrement, c'est un coach d'un club national. Il a osé la dire, son opinion. Il a dit, ben là, la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement. Moi, la manière que je ferais ça, blablabla, j'écoutais rien. Pour moi, c'était un parent dans Charlie Brown, tellement qu'il disait de la merde. Il y a eu tort, tabarnak. Puis à un moment donné, je vois un segment, là, puis là, ça disait, les Coyotes ont marqué 5 buts dans 3 games d'affilée. Mais savez-vous quoi? Pendant ces calices de matchs-là, ils ont perdu leurs 3 crises de game. Si je comprends pas pourquoi qu'on donne un segment au Coyotes de Phoenix. Là, ils sont à Utah. Écoute, ce que je souhaite, André, c'est que tu te fasses calisser dehors. On peut passer à l'autre point. Je peux te dire rapidement. C'est une période de call-out. Ok, mais là, tu peux changer la couleur de background. Jeff, tu risques d'être déçu parce que Tourigny risque d'être dans le personnel potentiel pour Team Canada comme assistant coach. J'espère que Matambo va faire le club. Au coach de. J'espère que Matambo va faire le club. Comment est-ce qu'il s'appelle le coach de Tampa? John Cooper. Il lâche pas le morceau. J'espère que Motambo va faire le club. Prenez Motambo au snack. Sortez-y des buffets tabarnak avant chaque pratique, chaque game. Il va en arrêter des pucks avec son esti de surpoids, man. Mais, hey, man. Juste pour parler. Fuck fat that shaming shit. Him. Dude, man. Fuck fat that shaming. Shit. André Tourigny, man. André Tourigny. Il a fallu que j'apprenne André l'anglais Toulette. Pour coacher en Ontario. Ah, ben, tabarnak. Asti. Tu cherches de la pitié, man? Fuck you, esti. Chris de coach de calice qui pense en savoir. Logan Cooley, esti. Logan Cooley. Il a fait 30 points, Logan Cooley. Femme ta gueule. Sur ça, le deuxième point. C'est comme ça qu'il va aller voir le National Bracket. Dernier, Phoenix, super belle ville, mais c'est une bonne affaire qu'on soit pas là au hockey. Salt Lake, ça va être une crise de belle ville de hockey. Je pense que ça va être un bon happening. Je pense que ça va hockey, marcher. Quand... Est-ce que les Mormons ont le droit d'y aller? Ils n'ont pas le droit de boire dans l'aréna, par exemple. Fait que si tu as un ça game à Houston, c'est vrai, oui. Il y a un règlement. Tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de violer. Ça, c'est partout. Non, mais dans l'aréna, il n'y a pas le droit. À Montréal, c'est correct. Ils n'ont pas le droit de vendre de l'alcool. Au Centre Bell, tu as le droit de violer. Les événements sportifs, l'alcool est interdit. Il a fallu qu'ils sortent une loi. Tu l'as dit, ils n'ont pas le droit de violer. C'est chaud pour violer, t'es correct. Ils n'ont pas le droit de boire aussi. Ils n'ont pas le droit de violer cette règle-là ou ils n'ont pas le droit de violer la règle? C'est-à-dire, ils ont le droit de violer. La règle. Puis là, toutes les auditeurs, aux Olympiques qu'il y a eu à Salt Lake City, ils ont sorti une loi spéciale qui a été votée par le gouverneur qui est pour l'avortement. Non, qui est contre, excuse-moi, c'est le contraire. Fait que là, il a dit, ben là, aux Olympiques, les étrangers ont le droit de boire. Puis je pense. Les étranges. Là, je sais pas c'était quoi la clause des condoms pour les gens dans le village olympique, mais il n'y a pas le droit de boire. Il y avait le droit de boire. Il y a une sorte de viol, finalement, le parce qu'il a ramené les condoms. Non, il n'y a pas de. De violation. Le droit de les violer, mais avec en anglais, c'est violation. Il n'y a pas de violation de boisson. Violation. Violation de la règle des boissons, d'accord. Mais c'est comme Dubaï. Tu sais, il y a de l'alcool à Dubaï, mais dans les faits. Eux, ils n'en boivent pas. Les autres ont le droit. Non. Deuxième point, les Sharks, les Sabres et le Kraken congédient leur coach. L'affaire qui est drôle là-dedans, c'est que les trois coachs... Ça, c'est drôle. Toutes des astuces de que j'ai... Non, mais t'as sa nausée... C'est juste ça, fuck you, bitches! Sa nausée, c'est un... C'est ça, le segment. C'est un club en reconstruction, puis ils mettent leur coach dehors, fait que ça, je trouve ça rigolo. Mais le Kraken, eux autres, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont été victimes de leur succès. Un club en reconstruction qui ont fait les séries l'année passée... qui ont battu Colorado en première ronde, puis cette année, ils ont fait capote. Ils n'ont pas fait des séries pantoute, puis là, ils se sont dit, bon, ben je pense qu'on va crisser dehors à Star. Ils ont battu Colorado en première ronde l'année passée. Ouais. Écoute, tout le monde dit, Asti, Ben, Seattle, tabarnak. Mais puis en plus, c'est l'équipe à Mitch Garner, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un gars des Dragons. Là. Il parle anglais, puis il est actionnaire. C'est un actionnaire, un Québécois actionnaire minoritaires de Seattle. Oui, oui. Fait que là, tu sais, vu que là, cette année, c'est comme, ah si, ils ont fait un miracle. Fait que là, vu qu'ils n'ont pas fait les séries, ils ont dit, bon, on va casser le coach genre. Fait que à cause de leur succès inespéré, les propriétaires, dont Ron Francis, qui était directeur général, ils ont décidé de mettre dehors leur coach. Ben, est-ce que le coach a été victime d'une injustice? Je pense que oui. Mais c'est quel autre coach qui a dit que c'est fait casser dehors? Ah oui! Buffalo, man! Ils ont engagé Ruff! Lindy Ruff! Ça, là, c'est le même film. Moi, je vais aller son livre! C'est ça! Lindy Ruff! Lindy Ruff, le gars, il doit avoir 95 ans. Le même feeling que quand Michel Therrien est revenu à Montréal. Mais ce qui me fait rire, c'est que Lindy Ruff, il était leader au New Jersey. Puis la raison qu'ils ont donné, c'est que... 64, là, en passant. Ben, j'avais inversé le 9. Puis ce qui était drôle, là, c'est que non, Lindy Ruff... Non, t'avais flippé le 6. Ouais, au New Jersey. Lindy Ruff au New Jersey. 46. Le 9. Ouais. 64, j'avais inversé ça le a coupé. Fait que... Ce que je voulais dire, en parlant de Linda, c'est que lui, au New Jersey... Il s'est fait mettre dehors parce qu'ils ont dit qu'il était pas assez bon avec les jeunes. Puis Buffalo l'engage parce qu'eux autres pensent qu'il va être bon avec les jeunes. C'est le monde à l'envers. On dirait une émission de Twilight Zone. Buffalo sont destinés à ne jamais gagner de leur colis. C'est le dernier vie. Coach de Buffalo qui les a emmenés en Syrie. Qui les a emmenés à la finale. C'était dans le temps de Michael Pekka. C'est Dominique Hachek et toute cette gang-là. Mais c'est le dernier qui les a emmenés en Syrie. Ils feront pas plus si c'est l'année prochaine, moi, je pense que c'est 90. Buffalo, they're fucked. J'ai dit 97. Contre Dallas. Brett Hall, le c'est but. C'est vrai que ça va nulle part, ce style de... C'est le franchise. Comment tu fais pour être fan de Buffalo? Buffalo, en général, la ville... Des hosties de losers. Ils font juste manger du poulet. On fuck with the non, Bills. Non, mais les Bills, hosties, les Bills, sacrement. Ben, bonne sauce de poulet. Ça vient tranquillement. Ils s'en viennent de tôt tard déjà. J'aime mieux les Bills qu'il y en a pas fuck Buffalo. On s'en va à Philadelphie maintenant, oh. GF. Mitch hey, Cove pour un autre site d'équipe de merde. Mon petit point de vue, ouais. Seattle, c'est une crise de belle vie pareil. Si ouais, j'avoue, c'est là que Grey's Anatomy était tourné. C'est vendu, c'est pas installé. Hein. Ouais. Ouais. C'est la ville du grunge. Quand t'habitais à Vancouver, ouais. Ben, c'est pas loin. Eh oui, c'est à 3 heures de ça. Il y avait-tu un office Nintendo là-bas ou... C'est le head office de Nintendo of America, là. Bon. À Redmond, une petite banlieue à côté. Voilà. C'est facile d'accès au Japon, par là, dans ces années. C'est pour ça que c'est ça à côte ouest. C'est sûr. C'est sûr. Pas faire le tour de la Terre. Mais si Harold a découvert, j'arrive en bateau. Fait pas le tour de la Terre, elle est plate. C'est ça, non. Bref, voilà, Mishkov pourrait rejoindre les Flyers dès la saison prochaine. Tout le monde se souvient de qu'est-ce que c'était. Attends, Jeff, qu'est-ce que t'as dit? Faut écouter GF. Mishkov, Krish, allait avec Mishkov. Moi, j'ai pas entendu ce qu'elle dit. Mishkov pourrait rejoindre les Flyers dès la saison prochaine. Fait que tout le monde est au courant que Mishkov était le choix de premier rang des Flyers l'année passée, puis que la majorité du fanbase à Montréal souhaitait qu'on repêche Mishkov parce qu'il était considéré comme le meilleur joueur au repêchage après Connor Bedard. Puis la raison pourquoi que beaucoup de journalistes disaient que non, pas Mishkov, parce qu'il y avait un contrat garanti avec la Russie jusqu'en 2026. Là, c'est rendu, ça se peut qu'il joue un club après un an. Fait que ça, je trouve ça drôle parce que ça dit que les journalistes disent beaucoup de merde. C'est à cause des restrictions que les États-Unis mettent sur la Russie. Probablement. Il y a aussi les rumeurs de problèmes d'attitude. C'est là que je voulais en venir. Okay. Parce que selon des gens proches de l'organisation, la raison pourquoi que Montréal n'a pas repêché Mishkov, c'est pas à cause du talent. C'est une diva qui ne pense qu'à lui. Au, tu sais, il faut faire attention. C'est un jeune que son père est mort, on allait prendre une marche. C'est lui qui a perdu son père dans des circonstances mystérieuses. Exactement. Puis je pense qu'il y a même un documentaire au Canada là-dessus. Il avait trouvé un soulier. Donc, ouais. Juste un chou. Il y avait deux bas de différentes couleurs. Puis, il a retrouvé un bas. Fait que, tu sais, je serais curieux de savoir tout ce que ça va finir, mais moi, je pense que ça va être divertissant si Mishkov fait les Flyers. Comment ça va aller avec Tortorella? Tortorella avec... Tortorella, ça va être... Tu sais, on dit le gars, diva, ce Chris de tout. Et puis Tortorella, je sais pas si... Il a remarqué, il est comment que ça s'habille ici, derrière le banc des Flyers? Il est en jogging, il est ici! Il est en jogging, tabarnak. Tu as remarqué ça? Tortorella! Un coach, là, ça a toujours un habit, cravate. Il est en souris. Il est en tracksuit. Il est en tracksuit, le cibou, tabarnak. Avec tout le temps son sweater et sa petite chemise en dessous. Ah oui. avec son jacket zippé jusqu'au menton. Man, c'est comme un col roulé, mais c'est pas un col roulé. Mais il relaxe. Il a l'air d'un monsieur qui a le cancer et qui est plus capable de bouger. Fait qu'il se met des vêtements amples et confortables. Il est super mec en dessous. Il tolère pas le fabric. Mon père faisait ça. La merde va pogner là-bas. Puis déjà, qu'il y a eu des chicanes avec Sean Couturier. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, les heures de Torto sont peut-être comptés. Là. Torts, ça devrait se faire mettre à la porte. C'est fini, c'est coach. Ils l'ont pas fait encore. Brière, j'en viens pas, Brière fait pas ça. Parce qu'il a peur de lui, man. J'espère, c'est ça. Mais en fait, il y a un gars dans son locker. Il est intimidé. Hey, John! Quoi? Tu te fais mon tabarnak? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je pense que c'est le propre. Oh good, man, oh good! Tu tiens un café? Have a good day! Supposément qu'il y a une bonne relation entre le proprio et Torts. C'est pour ça que Daniel n'a pas le gros bout du bâton. Il y a quelqu'un qui couche avec la fille de l'autre. Ouais, man, moi, je quitterais ce job-là si ce serait ça. Si je serais Daniel Brière, je quitterais tout de suite. Si j'ai pas le pouvoir, c'est mon équipe. Mais en même temps, Danny Boy, il veut peut-être faire un peu ses preuves un an ou deux avant peut-être trouver une autre équipe. Il vient juste d'arriver, ça fait pas longtemps qu'il est là. Fait un an même pas qu'il est nommé. Tu sais, juste quand ils jouaient à la fin, là, qu'ils sont fait éliminer parce qu'ils ont perdu quoi, 8 games de suite. Là. Ouais. Man, il prenait toute la place des médias. Il a dit à ses joueurs qu'il savait pas jouer au hockey, man. C'est pas pour le reste, c'est ridicule. Ah non, c'était fou, là. Tu sais, genre, ce gars-là, c'était divertissant. Ah ouais, man. Puis ce qui me fait rire, c'est lui qui fait une conférence de presse, une conférence de... Tu parlais de Daniel Brière, qui essaie de faire ses preuves, là, mais ce qui me faisait penser un peu, c'était Mathieu Darche qui a passé, je pense, 32 entrevues dans le National, puis il a pas eu de job de DG encore. Ah, il attend que Julien il donne. Julien creuse. Julien, puis, on va parler du Lightning dans pas long. Ouais, ben, justement, c'est justement content qu'il est perdu. Tempo, si on peut te sortir en 5 matchs. Yes. Good, tant mieux. Fuck you, Kucherov. Oui. Cooper pète sa coche. Avez-vous entendu parler du commentaire de John Cooper au dernier match quand ils se sont fait sortir? Il a dit, parce qu'il y a eu deux buts qui ont été refusés. Ouais. Ah, j'ai vu le but qu'il a fait. Faudrait-tu que les gardiens de but commencent à porter des jupes. Hey, le challenge qu'il a fait, je comprends pourquoi il l'a fait. Les gars, je vais essayer de vous en donner une. Mais man, vraiment, je vous dis, ça paraissait en crise que c'était pas un but. Là. Oui. On s'entend, là? Tu sais, il dit, gars, je vais le challenger quand même. Il faisait confiance sur son piqué. Ça, je l'ai écouté ce match-là. Quand il a échappé son bâton, là? Ouais. Non, le deuxième. Non. Le deuxième, ça. Le challenge, la dernière game. Ben, il y a une séquence que Bobrovski a échappé son bâton. Il y a deux buts refusés. Le deuxième, c'est celui-là. Le premier, c'est celui-là qui a perdu son bâton, je pense. Ouais, le premier, c'est un challenge parce que le gars était dans la zone. Parce qu'en fait, il était dans le cercle. Le premier, c'est un challenge coach. Le deuxième, c'est parce que le monde disait genre qu'il dérangeait pas le gardien, mais c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, si, mettons, t'es le gardien, puis t'es dans ton demi-cercle, puis que le gars, il est là, puis qu'il faut que tu fasses le tour avec ton bâton, là, tu sais, puis ton. Exactement, Dave. Puis combien d'années que Carey Price il a dit que la Ligue se crisse des goalers, qu'il faut les protéger. Là, la Ligue met leur culotte, ils protègent les goalers. Puis ça prend un gars comme John Cooper qui a gagné deux coupes Stanley pendant la pandémie, sans partisans ou presque, des coupes qui n'existent pas dans le livre des records parce que t'es un cave. Elle existe. Il devrait apprendre. Et puis s'il est excusé en plus au post-mortem, il dit « Ah, j'aurais pas dû dire coup ça, d'émotion. Mes deux filles font du volleyball, puis portent des jupes, puis j'aurais pas dû dire ça, John Cooper. Shut the fuck up, esti. C'est pas parce que tu prends des photos de Wayne Gretzky pendant que tu joues au pool chez eux en mangeant des ailes de poulet pis t'as les doigts rouges que tu devrais commencer à donner des commentaires de cave, là. Non. Puis Julien Brisebois, excuse-moi, tout le monde dit que le gars, c'est un génie. Il a été. Sacrement, il a étudié pendant 20 ans de temps pour être avocat. Sacrement, il est comptable, calliste. C'est pas un gars de hockey. Credit where it's due. Il a bâti une bonne équipe. Une bonne équipe. Il a échangé un choix de première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, de quatrième ronde et de cinquième ronde pour Tanner Jano. Dans notre langage à nous autres, Tanner Jano, c'est Turner Stevenson. Tu donnerais-tu cinq choix, tabarnak, pour deux? Il a même pas joué la deuxième game en série pour Tampa Bay. Et non seulement ça, quand il a joué à troisième game, il a été responsable du but gagnant des Panthers. Julien Brisebois, excuse-moi, tabarnak, tu devrais retourner dans un bureau d'avocat ou dans la série dit toute la vérité. Les deux coupes qui ont gagné, c'est grâce à lui. À cause de Julien, c'est pas à cause de lui. C'est à cause de Kucherov, c'est à cause de Braden Point, c'est à cause de Steven Stamkos, c'est à cause de l'Estidrus, le goleux, l'étonnais, là. C'est quoi son Christ de nom? Vasilevski. Puis l'autre, Sergachev, c'est à cause d'eux autres qui ont gagné la coupe. Excuse-moi, mais ça, c'est l'équipe de Steve Yzerman. Oui, ça, par exemple, je suis d'accord. Puis là, on dit que c'est un génie parce qu'il a donné un choix de 20e ronde pour Anthony Duclair qui a dû faire 15 clubs parce que tout le monde n'est pas capable de sentir ce gars-là qui sont en crise de côte de fourrure à Miami. Après ça, il était chercher Matt Dumba, qui est en déclin d'ananané, que Rumba. Minnesota faisait tout asti pour l'échanger parce qu'il y a un contrat de bande puis qu'ils l'ont donné à Tampa Bay. Vous avez fait des belles transactions, mais vous êtes fait sortir en première ronde 2 années de suite. Et non seulement ça, mais hostie tabarnak, vous avez permis aux Leafs de Toronto de passer à première ronde, sacrément. Moi, c'est pas du club qui a gagné 2 coupes cette année que je me souviens. C'est le club qui a laissé passer des Leafs. Puis là, Julien Brisebois, s'il est intelligent, son tacoté Beret, sa masse salariale, mais sacrement, c'est à cause qu'il devient agent libre. Moi, je le laisse partir. Si tu le signes encore, mais asti de tata, j'espère que tu vas lui donner ce qu'il va demander. Donne-y 8.5, donne-y 9.5. Il va en avoir encore 12. Moi, inquiète-toi pas. Mais non, Tampa Bay, là on dit que il faut que ça en aille. Ouais. Si Tampa Bay veut continuer à être performant, ils vont devoir faire des changements. Et je crois Toronto, que Brisebois n'est pas l'homme qui est capable Toronto de amener ce club-là à un autre level. Il n'est pas capable. Si ce gars-là, ça va être le gars qui va être dans la tête de l'histoire du Lightning, qui va être en déclin, comme Chicago l'était, comme les Penguins l'étaient, comme les Capitals le sont présentement. C'est fini, esti. Mais je pense que c'est un peu... C'est un peu le cycle le cycle des équipes. Bien. De plus en plus, les équipes ont des cycles C'est, menstruel, c'est la fin de leur cycle. Ben, ouais. Washington, Pittsburgh, Tampa. Exact. Tout ceux-là, c'est la fin de leur cycle. Puis le pire, c'est qu'ils ont même... Il y en a d'autres, là. Juste... Oh, ouais, non, absolument, c'est ouais. Ça. Puis, tu sais, quand tu regardes leur noyau, Pointe, Kucherov, Point des jeunes, Sergachev, Kucherov est pas si vieux. Ils ont pas 30 ans, moi, je veux Paul dans mon équipe. J'adore Paul. Paul est magique. Nick Paul, oh, ouais. Que les sénateurs, que Pierre Dorion a donné dans un plateau d'argent. Ça, c'est un joueur que j'aime, man. Que j'aime bien mon équipe. Il y a un beau noyau, mais son tacoté ben raide. Écoute, quand tu regardes la profondeur qu'ils ont, là, la troisième, quatrième ligne, là, sacrément, là, ils sont pas bons aussi. Puis la défense, leur défensive, là, Sergachev est revenu blessé là, au cinquième match. Là, tout le monde était content. Ah, oh, c'est enfin un russe. Mais là, c'est rare. Enfin un russe. Non, je pense pas qu'on dit ça. Il y en a une coupe. Enfin notre défenseur. Pas enfin un russe. Défenseur russe, yes, Mikhail. Puis là, écoute, là, tout le monde disait, ah, oh, si t'aimes pas B, puis là, tout le monde était bandé à TVA Sports, si t'aimes pas B, Julien. Ah, ben, puis sacrément, l'autre match après, 6-1, une défaite, man. Moi, là, quand ils ont fait une défaite de 6-1, j'ai pris un esti de bon bain chaud, man. Je me suis pris un esti de belle tisane, j'étais content. Ah, j'ai l'air bon. C'est le genre de gars qui prend un bain chaud. J'ai encore l'image de Kucherov en chaise. C'est les bulles d'huile, là, que nos moments mettaient, là. Ah, oui, c'était dégueulasse, ça, calé. Un bain à lavande. Ou de bath bomb. Mais là, ça l'amène. Tu peux transitionner rapide, Stamkos. S'en va tout. S'ils sont intelligents, il s'en va. C'est Brisebois, est-ce que je pense, il va le signer. Mm-hmm. Je suis encore jet là-dessus. Bon, okay. Moi, je voudrais que ça n'aille, mais je pense qu'ils vont garder comme même. Parce qu'il était paix. Il était paix. C'est Dave qui se passe. L'émotion va gagner. Tout, hein. Je pense que. L'émotion va le signer. J'ai l'impression que l'émotion va gagner. Mais tu sais, les impondérables de. Tempa, c'est l'avantage qu'ils ont à peu près pas de taxes. Il fait beau à l'année. C'est des affaires qu'ils jouent. Ça, le gars, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Mais sa famille, sa famille établie là. Je pense pas que c'est Stamkos. Il va être payé. Non, mais il paye pas de taxes aussi là-bas. Je sais, mais c'est Brisebois. Brisebois devrait juste la laisser partir. C'est parce que ce qui arrive, c'est que Brisebois, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de choix au repêchage. Mais ça reste leur leader, c'est ça le truc. Ça reste leur leader, mais John Cooper va dire, moi, je suis un leader, je porte pas de jupe. Puis Stamkos, le problème, c'est que mettons qu'ils demandent 6 millions par année, ils n'ont même pas les moyens de le garder. Ils devraient prendre cet argent-là. Laisser en profondeur. Moi, personnellement, ce que je ferais. C'est la fin de la dynastie. C'est que je, dans le fond, mettons, dans un monde parallèle, Toronto se fait sortir. Puis après ça, mais ils sont tellement imbéciles qu'ils vont aller chercher Stamkos pour l'amener à la maison parce qu'ils ont besoin de leadership. Ah ouais, je te dis, ils vont faire ça, man. Écoute, s'ils se débarrassent de Marner, ils vont chercher Stamkos. Peut-être. Peut-être. Mais non, tu débarrasses de Tavares, tu vas chercher Stamkos pour la remplacer. Ça dit, ça serait très plausible. Ça va être Marner et non Tavares, parce que je pense que Tavares peut s'en sauver. 10.9. Il peut pas s'en débarrasser. 10.9. Juste le moyen. L'argent, ils vont laisser Tavares partir, puis ils vont ramener. Non, mais Tavares, son contrat, il vient pas à échéance. Oui, là, bien sûr. C'est pour ça que tu peux t'en débarrasser là. Puis écoute, Marner, 2 ans, 10.9. Puis il est quoi? Il est payé 11.5, je pense, Tavares, à peu près. Puis là, tu as le contrat d'Austin Matthews qui embarque à 13.5. Fait que. Il faut qu'ils se débarrassent de Tavares au plus vite. C'est la paye gaffe qu'ils ont faite, puis ça, c'est merci Carl Dubas. Puis dans le fond, c'est Shonan. Thomas. Dis son nom comme il faut. Signer Tavares, c'était le début de la fin pour eux autres, parce qu'après ça, ça fait boule de neige. Là. C'est pour ça que je veux toujours qu'ils parlent. Parce que Collis, ils ont acheté, ils ont essayé d'acheter on va voir, comme on va bande voir, de câbles. Ouais, non, mais Boston, ils sont pas capables de closer. Tu sais, c'est ça, ça fait 2 séries, là, 3. Ouais. Floride, ils ont perdu 3 matchs de suite. Là, ils sont rendus à 5 matchs de perdu de suite là, quand ils sont supposés closer. Attends, je pense que c'était 6. 6? J'ai entendu à la stats. Ça je sais plus où, je ne sais plus quelle chose j'ai écouté aujourd'hui, mais il disait 6. Parce que 6. Il y a 2 ans, ils ont perdu match 7 contre les Hurricanes. Okay, ou quelque chose 6, de même. Ouais. Plus les 2 dernières ouais. années, donc l'année passée. Ils sont juste pas capables de gagner une série, Carlis. Ouais, ouais. Ouais. Il reste quelques sujets. J'arrête pas la voix. On a-tu fini la période? Oui, c'est longtemps. J'ai même perdu la voix pendant qu'on s'en fait. Jeff fait des bruits de gorge de Poutine. Ben oui, des bruits de gorge de Michel Therrien. Là. Mais on va laisser, on va clencher ce qui reste de sujets rapidement. Les Caps se font balayer par les Rangers. Ovechkin blanchi. Ovechkin de la merde. Ouais. Puis l'affaire qui arrive, c'est justement, c'est si les Canadiens font une série l'année prochaine, ça va donner les résultats que les Capitals ont eu. On va se faire sortir en 4 parce qu'ils n'ont pas encore assez d'expérience ni de profondeur. Puis les Capitals, selon moi, ils vont être dans marde pendant crissement plus longtemps parce qu'ils essayent juste de faire plaisir à Ovi. C'est la seule affaire qui reste là-bas. Ils vont être dans marde parce que. Ça va, ça déclare. Il est à 41 buts de battre le record de Gretzky, Ovi. 41 buts, c'est sûr qu'il ne le fait pas l'année prochaine. Fait que ça va y prendre 2 ans. potentiellement 3 si 3, moi, je pense. Si cette année il a remonté. Mais si début l'année prochaine, comme il a débuté cette année, il est dans marbre. Il a fait 20 quelques buts en fin de match des étoiles. Il a tellement pourri, il était pourri. Il a fini la saison à peu près avec les mêmes stats que Caulfield à peu près. Ah, mais il était pour Ovechkin, c'est sa première fois qu'il fait 60 points en carrière. Il a fait 30. Combien? Je ne sais pas s'il a fait 30 buts. Oui, il a fait 30 quelques. Fait que tu sais, je pense qu'en 2 ans, il va le faire sur 40 ans. Il va signer un contrat de 2 ans pour battre le record de Gretzky, puis après ça, il va s'en aller jouer. Puis il y avait comme 8 buts, là. Genre, ouais, il va avoir. Dans 2 ans, il va avoir 68 ans. Puis respect pour le record qu'il va battre. Je comprends, mais les Capitals sont pognés. Parce que, Chris, imagine s'il décide de s'en calisser et de le trader ou whatever. Ça va tellement faire de la merde. C'est pour ça qu'ils vont le garder, parce que c'est la. C'est comme la c'est plus la, grande vedette la star, hey, de l'histoire des Capitals. Ouais, puis c'est le. Écoute, il est tellement proche propriétaire aussi. Fait que c'est quasiment sûr qu'il signe un contrat pour finir pour qu'il continue, mais ils vont souffrir jusqu'à temps qu'il sacque son camp et qu'il le fasse. 31 buts, 34 buts. Il y avait 8 buts, je pense, avant le match des étoiles. On a fait la même. Ouais, c'était vraiment. Le match des étoiles, il a fait tout. Et pendant la série, 0-0-0-0. Il était pourri. Pas de pénalité. Aucune passe, rien. Il a fini l'année à moins 20. Les Rangers, ils ont déclassé solide. Fait que pour Montréal, face à les séries. Les Caps ont fait les séries. On a encore plein de chemin à faire. Un coup, Kuznetsov, il out. Non, mais c'était pathétique, ça. La course aux séries cette année dans l'Est, elle était pathétique. Les teams ne voulaient pas gagner. Ouais, ça, il est parti, fini. Tu sais, je disais, il n'y a plus rien. Non, c'est tout, c'est tout au bout du rouleau. C'est Strome, le seul talent offensif, puis Wilson qui ont de la valeur. Ouais. Je vais prendre l'équipe Wilson. Ah ouais, ça, c'est numéro 40. Ouais, mais il est payé cher. Ouais, ouais, il est bon. Au-dessus de 6 millions par année, je pense. Puis il n'est pas jeune non plus. Non. Ouais, mais qu'on garde la gueule, je vais prendre. Prochaine nouvelle, on dit Mark Stone revient au jeu pour le premier match. No, face aux shit. Stars. What a surprise! C'est ça, hein? Mais tu sais, moi, je pense que... Un move à la Tampa Bay. Ouais. Mais c'est rendu la mode en tabarnak. Là, c'est... Ouais. Chaque année, ça se fait. Là, mais tu sais, on s'entend. Là, si on c'est vrai qu'il voit quasiment venir. C'est vrai qu'il s'est fait sauter à la rate, mais c'est un peu dur à faker ça. Là, mais non, je comprends. C'est le timing. C'est ça drôle, fait juste chier. Mais oui. Puis, okay, mais il c'est parce qu'ils tiennent plus longtemps. Ils auraient pu revenir avant, mais à cause de la masse puis les trades qu'ils font, ils s'organisent. J'ai rien contre. C'est à toutes les équipes à l'utiliser, mais il est temps qu'il y ait juste le règlement. Convention, c'est tout calice. Le pire, c'est que ça a été voté par tous les propriétaires de la Ligue qui ont dit OK. Ouais, parce que, ben, il un loup Bergevin s'en est servi en 2021, mais moins intense. Ils vont changer. Non, mais ils n'ont pas... Parce qu'il en parle souvent de changer, on dirait, mais... Les médias souhaitent que ça change. Les partisans souhaitent que ça change, mais les propriétaires ne veulent pas. Je ne sais pas si les propriétaires le veulent vraiment. Non, ils veulent pas. Parce qu'ils l'utilisent. En même temps... Fait que, je trouve ça poche, mais ça veut-tu vraiment... Puis n'importe quel club, mettons, là, qui perd un joueur, là, Chris, il est frais. Tu vois Vegas, man, la différence qu'ils ont 11 millions de plus en série par rapport à avant, ils bossent le cap de 11 millions. Chris, c'est pas nous-mêmes à faire. Puis présentement, Dallas mène 3-2 dans la série contre Vegas. Fait que, ça se peut que Vegas fasse sortir à première ronde, puis après ça, ils vont avoir vraiment du chemin à faire pour balancer tout ça. Mais si Vegas fait sortir... Moi, pour vrai... C'est like un all-in, like, move. C'est un move all-in. Chris, c'est poche un peu, jeu de mots, avec Las Vegas, là, avec l'all-in, mais pour vrai, depuis qu'ils sont arrivés dans la Ligue, c'est ça qu'ils font. Ouais. Ils font des gambles, puis ils vont raid avec tout. C'est pas pour rien là, qu'ils ont plein de finales de Coupe Stanley depuis le début de leur existence. Ils en ont 3, Chris. Puis ils ont eu un paquet de choix de première ronde. C'est fou, ils ont tradé. C'est ça qui les a aidés solides. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait la même erreur avec Seattle. C'est pour ça que Seattle en arrache à la... Toutes les teams d'expansion de l'histoire de la NHL qui en arrachent. Mais l'année passée, il y a juste Vegas qui a eu une exemption qui est différente. Ouais, mais c'était pas pareil. Écoute, ça donnait des choix de première ronde comme des bonbons. Fait qu'eux autres, tu dis, on va chercher Mark Stone, on va te donner un choix de première ronde, tel gars, fuck you, des calices. Puis le prochain sujet. Les Oilers déclassent les Kings en première ronde. Oui, surprenant. Surprenant, mais. Moi, je pense qu'ils vont s'en aller en finale. J'aimerais bien ça. Puis je leur souhaite la coupe. Mais les Kings, moi tout j'aimerais ça. Moi tout je pense qu'ils vont perdre contre Colorado, mais j'aimerais mieux les Oilers. Je prends pour les Oilers, mais je pense c'est que fait, le Colorado c'est fait. Va les faire. Oilers ont battu les Kings. Non, je parle en finale. Ben j'aimerais que c'est à la fin. Moi je prends pour les Oilers. Votre choix de gagner la coupe, c'est Colorado. Je pense que Colorado va les battre. La finale de la coupe cette année, c'est l'Avalanche contre les Rangers. Moi je pense que les Rangers. Les Rangers gagnent la coupe. Ça va être dur. Avalanche Carolina pour moi. Ouais. Moi, ça va être Caroline. J'ai déteste Hamilton, Dave, j'ai déteste le tabarnak. Qui tu détestes? La Caroline. Les Caroline. J'ai déteste, mais Asti, je pense qu'ils vont battre les Yankees. J'aime pas Rangers. Je pense que les Rangers sont bâtis avec beaucoup plus de grit, non, man. Ils sont beaucoup plus grinders, sont pas mal plus. Je le souhaite parce que, ben franchement, j'aime pas mal toutes les équipes de New York en général. Les Rangers, j'ai toujours aimé un peu, mais Caroline, je pense que c'est leur année. Ils sont tellement rapides, sacrément. Ils n'ont aucune faille du tout, mais je pense que la seule manière que les Rangers peuvent battre la Caroline, c'est devant le filet. Oui. Parce que Frédéric Anderson, il est plus fait que Chesterkin. Il est revenu, il n'est pas pire. À la base, si tu as un head-to-head à décider entre Chesterkin et Chesterkin, en tout cas, Chesterkin. Chesterkin ou Chesterkin. Et Anderson, tu prends Chesterkin n'importe quand. Mais en série, on ne sait jamais en ce moment. Anderson est quand même hot. Ouais, ben, tu sais, il n'y a pas vraiment d'opposition contre les Islanders. Fuck! Tu sais, les Islanders sont bâtis à peu près comme le Canadien de Montréal des années 2000, c'est-à-dire des vétérans avec 3-4 jeunes. Les Islanders? Ouais. Come on. Puis. They were lucky to make it. Ouais, puis écoute, ça va tourner en rond. C'était pas un team qui a besoin, tu sais, c'était entre eux autres. Bon, tu sais, c'est que t'as mis notre style, là, je suis perdu. Je me souviens plus qu'il était en bataille avec eux. T'avais Pittsburgh et t'avais Détroit. Philly, Pittsburgh, Détroit, puis eux autres, tu sais, je veux dire. Puis Détroit, dans le fond, ils ont perdu à la dernière minute parce qu'ils ont gagné leurs deux derniers games contre Montréal, puis malheureusement, ils n'ont pas fait les séries. Parce qu'il y a un but à Pittsburgh, puis show the world. Dans le fond, parenthèse. C'était parce qu'il fallait qu'ils gagnent en prolongation ou en temps régulier. Puis pour Dave, dans le fond, ce qui pourrait peut-être pencher à faveur des Rangers, une petite parenthèse par rapport à Rod Brind'Amour. Rod. Il est en négociation présentement pour une prolongation de contrat. En fait, c'est Rob. Le nez Brind'Amour. Il n'est pas confirmé. Non, mais c'est Rob. Il n'est pas confirmé encore. Ce qu'il a fait à Don Weddle, il a sorti le finger, il a dit « Fuck you, c'est Rod. Je ne signe pas ton contrat. Rod Brind'Amour veut aller chercher le gros lot. Puis la Caroline sont reconnus pour être des gratteux. Je ne sais pas si Brind'Amour va revenir l'année prochaine. À part qu'il paye full de cash à Cockanimi. Je pense qu'il va chercher de l'argent à Badcock. Je pense qu'il va chercher 7 millions. Il va être le coach le mieux payé, Brind'Amour. Puis je pense que ça pourrait peut-être être une bon distraction. Coach, mais c'est quoi le playoff tree pour l'Est? La prochaine ronde? Là, la Floride va affronter soit Boston ou Toronto. Fait que c'est New York contre Carolina? Ouais. OK, là, ça va être bon, ça. Fait que, écoute, ça va être bon, mais c'est pour ça que je... Écoute, moi, j'ai prédit Caroline, mais on va voir. La tête était Caroline, le cœur était Green. Puis, faire une parenthèse pour les Kings de Los Angeles. Moi, tout était avec les Rangers. Tête et cœur. Cœur de pierre. Les Kings qui ont fait des grosses transactions pour essayer de se rendre loin cette année. Ils ont fait sortir en 5 games. Pierre-Luc Dubois, pour ceux qui ne le savent pas. Tu t'en vas, man? OK. Le fuck go. OK. Dubois finit la saison. Oui, Dubois a fini la saison. Il a fini la saison. On va voir s'il se lave les mains ou pas. Live. Ouais. Dubois a fini la saison à 40 points. Quatrième trio. 40 points Dubois, troisième trio qui a joué la dernière game. Et non seulement ça, à partir du 1er juillet, c'est sa clause de non-échange qui embarque. Ah, mais personne ne le veut, là. Fait que they're fucked. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer à Los Angeles. Ils ont été chercher Kevin Fiala, qui est un attaquant bon. De 70 points. Mais sais-tu qui a donné pour Kevin Fiala? Il a donné une chier, non? Brock Faber. Faber. Oui. Un jeune prospect est solide. Écoute, le jeune, il joue 25 minutes par année. C'est un défenseur. Par année. par saison. Ça, c'est la corona extra. La Cerveza Masfina, ça que t'as dit tantôt. La Cerveza Masfina. Par année, 25 minutes. Genre, il fait des chiffres de genre 2 secondes. Écoute, il fait des 30 secondes avant une game. Il est quasiment dans les top de défenseur pour le temps de glace. Et non seulement ça, il est nominé au Calder pour le meilleur joueur recru cette année. Fait que les Kings paraissent mal présentement à cause de ça. Encore, c'ti! Fait que je pense que les Kings sont un peu dans le caca. Vraiment. Puis ils n'ont pas de goaler, Calis, c'est Talbot, tabarnak. Voilà, mais ils vont chez ça, c'est trop d'autres choses. Il y a Rittich, là. Fait que Bergevin, je pense qu'il n'y a pas eu un effet Bergevin à Los Angeles encore. Mais c'est triste, hein, parce que cette équipe-là, sur papier, puis au début de l'année, ils performaient en salle, puis ça a juste fini tout croche. Ouais. C'est triste, mais tu sais, t'as comme Alex Turcotte qui se développe pas, t'as Brandon Clark, finalement, il a fini la saison. Il est vraiment moyen. Brand Clark, il est vraiment moyen. Fait qu'on va voir. Bref, les Kings sont dans la marde. C'est ça le point. On va faire un Negroni, si vous voulez. David? Chris. Puis là, on parlait d'un point que je pense qu'il va intéresser de moi. Ouais, je l'ai pas. C'est la seule fois que j'ai pas. T'as-tu un whisky? Whisky japonais. Donne-moi un shoot de ton whisky japonais. J'ai du Balvenie 12 ans, single barrel, super bon. Japonais, le Suntory. Sors le Suntory. T'en veux-tu? On l'a donné. Ouais, je vais en prendre un, moi, avec. Let's go. Fait que là, on parlait de... Bon, je l'aime, il va comment est-ce qu'il s'appelle, donc? Le prochain point, c'était les... Bon call, c'est bon, ça, en plus. La série Boston contre Eli, c'est 3-3. Ouais, on a parlé pas mal, déjà, là. Mais par contre, j'aimerais rajouter un point. J'aimerais rajouter un point. OK? C'est c'est 3-3 dans la série, on s'entend. Puis, il y a personne qui pensait que les Leafs gagneraient. Mais par contre, une statistique qui est intéressante, c'est que si Boston... perd demain, c'est le premier club de tout sport professionnel confondu qui perd une avance de 3-1 en série. Ça va être un record. Sérieux? Ouais. Faisant 5. Basketball. À la fin de la saison. Baseball. Ça va être la première fois que ça arriverait. J'en prends 2. Okay. Et si Toronto perd... Juste au cas où. Mets-moi une rail ici, le shooter. Si Toronto perd demain un 7e match, ça va être un record du nombre de clubs qui vont perdre 7 matchs d'affilée. Ça, c'est quelque chose. 7e match. C'est épouvantable. Est-ce que Mallette est focus? Ce qui me fait rire aussi, c'est que tout le monde pensait que Toronto sortirait en 5. Mais hier, j'ai écouté la fin de game à TVA Sport, puis là, t'attendais mon Félix Séguin. Tout le monde disait que dehors Shanahan, dehors Trevelyan, dehors O'Keefe. Chris, il n'y a personne qui va se faire mettre dehors. Il n'y a personne qui disait ça. La seule personne qui disait qu'elle allait se faire mettre dehors, je pense que c'est ta mère quand tu avais 16 ans. Fait que Toronto, Boston, qui pense qu'il va gagner quoi? Ah, mais écoute, en ce moment, le momentum est Toronto. Fait que d'après moi, Toronto va finir ça. Mais parce que ça va pas bien à Boston non plus. Ça va pas bien à Toronto, mais l'affaire, c'est qu'ils viennent de gagner deux dernières games. Le momentum est là. Fait que s'ils partent fort en première, comme qu'ils ont fait la dernière game, je pense que Boston pourra pas se relever de ça. Ouais. Fait que moi, je dis Toronto en 7. Les têtes vont tomber. Puis même, je pense que Matthews. Matthews ne jouera pas demain. Ça serait peut-être une bonne affaire, ça. Matthews, la nouvelle qui sort présentement, c'est qu'il a une blessure au genou. OK, peut-être. Fait que, d'après moi, il ne jouera pas. Puis Justin Wall, écoute, le gars, très, très il joue bien. Ah ouais, il n'est pas mauvais. Moi, je n'en prendrais pas, by the way. Hein. Ah, tabarnak, juste avant mon call-out. Au pire, tu peux prendre la presse, si tu veux. Pas de chaser. Parce que moi, de l'émission, tu le sais. Je t'ai traumatisé. Oui, Chris, les chasers. Fuck off. Je vais attendre à qu'est-ce qu'on boit, Alex, présentement? On boit du Suntory Whisky Toki. Toki Toki! Suntory Whisky Toki. Cheers à la fin de saison. Ça goûte quoi, cette calice d'affaires-là? C'est du whisky. Whisky, buddy! C'est du whisky. Ah, tabarnak. Jameson. Ça fait pas le... C'est pour... C'est en rappel au Jameson. Woo! Let's go. Ah, yes. Il est doux, doux, doux, doux. Ben oui, c'est un très bon. C'est surprenant. Ça brûle pas. C'est pas de la qualité. C'est de la qualité. Mais le whisky japonais, c'est ça. 23! Ouais. Ouais. C'est 80, c'est 500 vieilli en baril, ça, mon homme. Mais GF, du whisky japonais en général, c'est, bon, c'est assez doux. Ça peut être terreux un peu, mais c'est. Mais les whisky sont bons. Si on passe au travail d'être ça, c'est délicieux. Facile. C'est pas rough, là. Ça se voit. Ça, c'est débile, ça aussi. Un Balvenie, ouais. Puis le dernier point, c'était juste pour faire un petit rappel par rapport au repêchage. Le repêchage qui aura lieu le 7 mai. La loterie, c'est le 7 mai. Fait qu'on va savoir si le Canadien repêche dans quel rang. Présentement, son cinquième au repêchage pour avoir qu'on connaît le trou au premier rang, c'est 7,5% des chances. Au deuxième rang, c'est 8,5% pour rester au cinquième. Tu sais, pour je pense au troisième rang, c'est 0,5%. Fait que c'est quasiment sûr qu'il gagne pas troisième place. Ouais. Au cinquième rang... Quatrième rang est impossible. C'est 0%, je pense. C'est 0%. Cinquième rang, c'est 14%. Sixième rang, on est à 44. Puis sixième, on tombe à, je pense, c'est 16. L'année passée, on est resté kiff-kiff. Je sais pas ce qui va se passer cette année, mais tu sais, d'après. Là, je vais vous annoncer, Jeff, on peut l'annoncer officiellement. Il va y avoir une émission du repêchage cette année. Je vais être présent. Et puis. Jeff va commenter sur les choix et je vais juste me saouler et rire des noms des joueurs que je connais pas. Ah, mais là, je vais être là. Je vais être là. Alors, lui, il est bon. Moi, je connais rien. Puis là, d'après moi, les joueurs à surveiller, que je pense. Parce que Cat Hughes a donné des indices par rapport aux joueurs qui pourraient être repêchés. Moi non plus, mais. Ça pourrait être un attaquant qui est pesant, qui est gros, mais qui a du talent. Fait que dans le fond, les choix à venir, d'après moi, ce qui pourrait être des cibles, si, mettons, Canadien finirait cinquième, c'est Caden Lindstrom, un Nord-Américain qui est... je te dirais peut-être un style de Slavkovski qui pourrait être quand un même très bon choix. 6 pieds 3, 200, que clé. Ouais, là, c'est ça. Un grand centre. Il y a du talent. Ouais. Ouais. Après ça, t'aurais peut-être aussi. Qu'est-ce que tu as t'as pété, mais. T.J. Ginla. C'est la chaise. T.J. Ginla, ça veut dire. T.J. Ginla aussi. Mais T.J. Ginla, je pense que. Il y a plus de chances qu'on le repêche, on descend 6-7e. Extreme Club. Oui, oui, absolument. Oui, oui, je pense que t'as raison. Puis j'enlève pas le talent aux jeunes, je le connais pas beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de choses. Avec toute cette action-là. C'est parti. Y a-tu, mettons, une aura autour du jeune parce que c'est le gars de. Oui. Un aura. Oui, mais. Il y a du hype à cause de T.J. Ginla. Peut-être que genre il est boosté un peu. Ouais, ben, il est bon, 7, par exemple. 5, 6, 7, c'est lui, tu veux. Il est bon, mais il je dirais que c'est un. Dans le chat, on dit Lindstrom, ça va sortir top 3 probablement. Ouais, ça se pourrait, ça, que Lindstrom. Impossible. Sort... Impossible top 3. Le premier choix, ça va être Celebrini. Après ça, tu as deux défenseurs vraiment forts. Parce que, tu sais, quand on regarde les besoins, là. On n'a pas besoin de défenseurs, mais il y a des bons défenseurs. Celebrini, c'est sûr. On pêche un goaler. Une année. 0-0-2. Ça, c'est deux défenseurs. Deux défenseurs, puis tu as probablement aussi un russe qui est Ivan Demidov, qui est supposément meilleur que Mishkov. Moins trou de cul aussi. Mais c'est un russe, fait que point d'interrogation tout le temps. Entre autres. Fait que, tu sais, Montréal, ils ont la chance de repêcher un bon avant à ce moment-là. On va couvrir ça. Puis on va en savoir plus avec la loterie, le 7, qui va gagner quoi. Moi, je veux juste si on repêche un russe qui dit. Tu dénonces moi, je veux juste pas qu'on pêche. Tu dénonces la game, crainte, c'est ça que j'ai peur. La loterie, moi, j'ai peur qu'on soit pas chanceux. Moi, la capotée, genre. Un petit rond de piste. Moi, la mallette, la loterie, là, mon plus gros souhait, c'est qu'on. On repêche 5e. Minimum. Minimum 5e. Je veux pas qu'on. Faut pas baisser, man. Puis on a combien de chances? Plus, on a comme. T'as 44% des chances de tomber baisser. 6e. Ouais, ça fait chier, man. Ça fait chier, mais tu sais, quand on regarde c'est les deux années précédentes. Ouais, mais il y a tout le temps une chance. Les rangs ont toujours été respectés. The gambler. Ouais, non, c'est ça, ben. Mais c'est. Bédard. À part une exception. Bédard, c'est pour Bédard, toute la faute à Montembeau. Chicago était dernier. Chicago était 4e. Non, il était dernier. Non, Chicago n'était pas dernier. Dernier. Non, c'est pas, c'est pas Chicago. I swear to God, il était c'est dernier Chicago. C'est pour... Non, il y a une année que ça a switché. C'est pas l'année passée. C'est pas l'année de Montréal. C'est pas l'année passée. C'est l'année de Caulfield qui ont switché. C'est des Kings de Los Angeles qui étaient... Ils ont gagné comme trois. Ils ont baissé au quatrième rang et ils ont repêché Alex Turcotte. OK, mais sur écoute, non, c'est bon, c'est correct. Non, c'est ça, c'est non, je sais parce que j'étais en tabarnak après Motambeau, fait que je sais, je bon. Fait que Casti, puis parlant, il y a encore Motambeau dans l'équation. Il a ramené Motu. Parlant d'être en tabarnak, t'avais-tu un call out, Jeff? Ouais. Ah oui. OK, mais tu peux d'abord jouer. Si c'est 3 heures de musique, la musique là-dessus. On est comme Joe Rogan à 3 heures. C'est la fin de tout de la saison. Assister un call out like Callis. T'es pas prêt, Nick? Ah, t'es pas prêt? Je suis bien centré. On te laisse ça, le plancher, mon homme. Vas-y, okay. Go. Aujourd'hui, vu que c'est le post-mortem, je veux partir un mouvement. Un mouvement sur les hosties de blogueurs. Il y en a plein. Il y en a ouais, parce que je ne lâcherai pas le morceau, là. C'est ma cible. Les blogueurs qui répètent les nouvelles de RDS, de TSN, je ne dirais pas TVA Sport parce qu'ils font la même chose. À un moment donné, là, les gens, là, quand je parle des gens, c'est les gens qui cliquent sur leur crise les de clickbait. Là, arrêtez. Il n'y a aucun texte d'originalité dans leur crise de post. C'est des répétitions, c'est des copier-coller. Puis non seulement ça, mais quand vous cliquez dans leur crise de lien, il y a des hosties de pubs de char, de Saint-Hubert, de Martha qui paye un 2-pour-1 pour des fellations. Quand vous cliquez sur ces sites-là, vous donnez un salaire au tata. OK. Il faut arrêter ça tout de suite. C'est de la crise de marde. Puis non seulement ça, je dois admettre que ça fait un an que je ne clique sur aucune marde. Je me suis ostiné avec un gars sur X qui me disait que la reconstruction du Canadien de Montréal a commencé l'année que Kotkaniemi a été repêché. J'ai dit « Voyons donc, maudit cave, ça se peut pas. » Puis il me répondait en anglais quand son nom était un nom francophone. « What the fuck? » Il m'a dit « Lis mon lien, j'explique vraiment des bons points. » J'ai dit « Premièrement, je ne lirai pas ton texte, je me crisse de ton texte et non seulement ça, tu as fucking tort. » Le gars, il m'a bloqué Et une semaine après, il m'a débloqué parce qu'il ne peut pas se permettre de perdre des followers. J.D. Lagrange, un esti-tata qui porte un chapeau de cowboy. Tu sais, c'est du monde de Twitter. Hein? Tellement, si fuck you, esti. Tu penses que tu peux m'éduquer sur le hockey? Non. C'est pas parce que tu as une moustache que ça va dans un festival de hippie cowboy à Saint-Tite que tu connais ça. Tu connais fucking rien. Puis tu as des fautes d'orthographe dans tes textes. Je suis persuadé parce que tu parles de l'anglo-français. Tu es un esti-tata. Là, arrêtez-moi ça. C'est pas parce que vous avez un site internet que vous avez monté vous-même. Félicitations, t'as monté un site, bravo. T'as acheté le petit livre jaune écrit en noir, Dummies for Site Web, esti. Puis là, t'as parti un site avec des dessins. Alors, ouais. On va mettre une photo de tel joueur. Je vais copier le texte écrit par tel journaliste. Puis je vais répéter la même calisse d'affaires. Puis je mettrai pas mon opinion là-dessus. Si tu veux être révélant, il faut que tu donnes ton opinion. Répète pas la même calisse d'affaires, puis je vais pas aller cliquer sur ton site pour que tu te fasses un salaire, esti, sans que toi, t'es capable de te trouver une crise de job. T'amènes ton CV au dépanneur, ils veulent même pas t'avoir, esti, parce que c'est pas compté, tabarnak. Puis c'est pas parce que t'as un podcast... Puis un site web qui dit de la merde, puis que t'invites des invités. Puis non seulement ça, t'as des invités, puis t'as même pas de crise de clic sur ton épisode. Le monde s'en calisse. Excuse-moi, là, mais t'es un esti tata, man. T'es un fucking imbécile, man. Tu veux copier sur le produit original qui est la soirée du podcast? Fuck you. Nous autres, on n'a pas besoin d'avoir un invité de prestige, un ancien joueur de hockey. On n'a pas besoin de pogner les couilles de notre voisin esti pour se penser drôle parce qu'on boit de la bière. On fait pas ça. Nous autres, on invite des gens qui écoutent notre épisode, des gens qui ont une voix. On leur donne ça, man. Puis il a toujours été échangé pour Shane Corson et non Eric Weinrich. Et les deux, non? Là, je vais aller vers ma cible. Ma cible. La cible. C'était le début. C'était le début. Là, je vais parler d'un podcast qu'eux autres, tout d'un coup, s'ils se sont réveillés, se sont dit, ah ben tabarnak, on va se faire un podcast, c'est ça, on va être cool, nous autres. Toi, t'es l'ancien gars qui a parti un site de fast-food, de nouvelles de hockey, qui fait juste dire des rumeurs de merde sur le joueur a violé un tel, lui a fumé 20 clopes sa gueule en Mexique. Come on, man. Jean Trudel, man. Fuck! Qu'est-ce que c'est? Premièrement, ton esti de podcast, tu portes du linge de Walmart, esti du casier de Montréal. Ta photo LinkedIn, tu mets beaucoup trop de gel. Tout le monde se crisse des astines nouvelles de potins. Caulfield boit de la bière, il saoule. Man, c'est pas parce que tu donnes des essais d'informations de potins sur les joueurs qui sont personnels qui fait de toi un gars qui est cool. Puis je vais parler de ton ami, man. Ton esti d'ami qui chiale. Hydro-Québec, j'ai pas d'électricité. Ça fait 10 fois cette année. Moi, j'ai pris la peine d'y écrire. Excuse-moi, Max, mais pourquoi t'appelles pas Hydro? Il dit, je l'ai fait avec un emoji, esti. Calliste, t'es-tu une fille, tabarnak? Là, je vais t'expliquer une chose. T'as pas besoin de te servir des réseaux sociaux pour t'exprimer. Puis quand vous avez une conversation pour faire vos big shots, pour dire « Hey, asti, on devrait comment appeler notre podcast? On peut plus se servir de 25 Stanley parce que j'ai vendu mon asti nom à nouveau, tabarnak! C'est sûr, Chris Innocent! J'ai parlé à mes avocats. Voyons donc, Chris, tu vas-tu sur X pour parler de tes hosties d'avocats? Moi, j'en connais des avocats. Je vais pas aller sur X pour dire j'ai parlé à mon avocat pour savoir si j'avais le droit de traverser la rue pendant qu'il y avait des chiens qui pissaient à terre. Je fais pas ça, asti! Tabarnak! Est-ce que vous êtes au-dessus de tout le monde, asti? Vous allez inviter des invités à votre crise de podcast qui ont perdu leur calice de job? Kevin Gilmore, qui a perdu sa job de l'Impact parce qu'il a changé de logo, il a changé le nom. Hey, Kevin, qu'est-ce que tu penses de l'Impact? C'est sûr qu'il va dire de la merde, asti! On va inviter un gars qui faisait partie de l'administration du Canadien de Montréal. Qui s'est fait mettre dehors parce que le gars, esti, c'est pas capable d'attacher une cravate. Qu'est-ce que tu penses, Casier de Montréal? C'est sûr qu'il va dire de la merde, esti. Calisse, Max. Toi, avec tes crises de toune de rap, avec du 50 Cent, là, tout le monde s'en calisse. C'est quoi, tu veux t'inviter à un party de Puff Daddy puis te faire le Willy Wonka puis te faire crisser un palais de chocolat dans le cul, man? Tabarnak, que vous êtes vraiment innocent. vraiment, vraiment une gang d'innocents. People talk love, finish to get shot, esti. Là, là, il faut que vous arrêtez de cliquer dans leur crise de site. What? C'est de la merde. C'est ne connaît de la merde. L'année prochaine, vous allez revenir, vous allez dire de la merde. Là, Jean Trudel va dire « Oh, Confit, il a fait 100 000 piastres avec du fuck you money parce qu'il a fait une annonce de McDo. » Hey, tabarnak, man. Tabarnak. C'est quoi, esti? C'est quoi tu penses? Tu penses que le monde te trouve cool parce que tu dis ça? Le monde te trouve pas cool, esti. Le monde qui clique sur toi et tu dis « Ah, les Québécois, eux autres, quand un accident sur l'autoroute, ils ralentissent. Sacrement, s'il y a un char qui ralentit devant moi sur une autoroute, je vais y rentrer dans le cul, esti, puis je vais y sortir pour y crisser une volée. Tu ne ralentis pas sur l'autoroute. Qui c'est qui fait ça, tabarnak? Ta tante, esti, ta mère? » Max, tu prends Truman, excuse-moi. Toi, « Ah, faut pas parler à mal de Régent Tremblay, ni de sa crise de cruche qui veut rouler 100 km/h dans une zone de 50. » Faut les respecter, ils sont gentils. Femme donc ta gueule! Voyons donc! Toi, t'as été à BPM Sport pour couvrir un trou aussi parce que Gonzo a décidé d'aller faire la poche bleue TVA Sport à l'heure du midi puis s'est aperçu qu'il y a juste des aînés qui écoutent l'émission pendant qu'ils font leur sieste. Fait que là, ils t'ont dit « Ah, ben Gonzo va revenir, esti! » Fait qu'on va te coller dehors, là, t'as pas une crise de scène. Fait que là, « Ah, ben tabarnak, je vais partir un podcast avec Jean Trudel, esti, puis on va avoir des likes. J'ai 2 millions de likes pour ma vidéo. Sacrament, t'as-tu checké tes stats, ces 2 millions de likes? C'est sûrement tous des hosties chinois qui font des souliers, esti! Voyons non, tabarnak, 2 millions de likes, c'est plus de likes que sous-écoute, toi. 2 millions de likes, je vais me vanter, je vais mettre 2 millions de likes. Come on, man. Come on, grow up, esti. T'as l'air d'un pénis avec une casquette, man. Qu'est-ce que tu fais? Grow up, trouve-toi une job, t'as-tu fini l'école? J'imagine que non. Va faire ton diplôme, esti. S'il y a des rabais, tabarnak, 154-2460, esti, pour apprendre l'anglais. Vas-y! Vas-y, lâche le petit podcast. Vous êtes pas bon. Les seules personnes qui écoutent ça, c'est des douchebags, esti, qui boivent du Red Bull le matin puis qui dînent des biscuits soda parce qu'ils pensent qu'ils peuvent être plus gros, plus musclés puis ils ont pas de bédaine. Mais sacrément, c'est tout du monde qui meurt de suicide à l'âge de 50 ans parce qu'ils ont pris, esti, de la poudre pour se grossir dans le cul. Mourir de suicide. Bro, arrêtez. Bro. Vous êtes pas bon. Vous êtes pas bon. Puis sacrément... Là, je vais finir à quelque chose. Ah ouais? OK. Je vais vous remercier d'une chose, par exemple. Vous avez invité le gars de Hockey 30. Là, je sais de quoi qu'il y a de l'air. Qu'est-ce que vous faites à inviter un gars de Hockey 30 puis que vous me dites « Ce gars-là fait 90 000 piastres par mois à cause de son site. Son contenu, c'est de la merde. Le monde ne savait pas c'était quoi. Cliquez sur son contenu. Hey, Carey Price, il a couché avec une Indienne. » Là, tu cliques sur le pause, puis il écrit en majuscule « You couché avec un Indien, tabarnak, baby! » Puis c'est juste ça, son espouse, puis il fait 90 000 piastres par année. Puis après ça, il va se ramasser chez Georges Larac, son magasin de cartes de hockey, pour dire « Georges, il a dit que je disais de la merde, je vais le confronter. » Puis il est avec son sel, puis il filmait avec des TikTok, puis tout ça. Puis là, il rentre dans le magasin, puis là, tu vois le commis, esti, qui a dit « T'as pas besoin de filmer ici. » La vidéo coupe. Après ça, il sort pis il dit « Ah, oh, j'ai parlé à Georges, il est tellement cool. Il m'a donné des cartes de hockey avec une photo signée. La photo il a fait ça chez nous à job. Ouais. Pis la photo signée que t'as, je l'ai chez nous et dans ouais, la boîte. Cossin acheté ici dans la poubelle. Est-ce ouais. La même calée de photo. Man. Non, moi, c'est pas celle-là. Moi, c'est celle qui a l'uniforme du Canadien de Montréal. On l'a eu, nous autres, aussi. Moi, c'est celle du Canadien de Montréal qui portait... On l'aime, genre. Asti, man. Hockey 30. Là, Astor, il se montre son visage. Là, c'est rendu. Asti, ils m'ont donné une deuxième vie. Je vais commencer à poster moi, de la merde. Je me demandais comment tu pensais. Des rumeurs de merde. Parce que Hockey 30, c'est le pire. Tu sais, juste pour vous dire à quel point Hockey que 30, le podcast est de la merde. Non, mais il y en a plein de tu sais, la seule affaire qui était spéciale, c'est qu'on a su c'était quoi le origin story de Georges Larac de comment il est devenu vegan, man, dans son émission. Ça, c'était spécial. Avec le chimil? On l'a dit une fois, ça. Fait que bravo, man, d'avoir dévoilé que Georges Larac a failli coucher avec un homme. Puis le pire, c'est que Georges l'a compté, puis il dit « Ah, c'est pas grave, je vais compter. Ils ont sûrement juste deux auditeurs, dont les gars qui tiennent les micros. » Mais c'est pas ça qui est arrivé, Georges. C'est tout ce qui est arrivé. C'est pas grave, fait que arrêtez. Ça arrive à tout le monde, ça. Arrêtez. Moi, je suis d'accord avec lui. Arrêtez de cliquer sur des hosties de sites de merde. Les gens, soyez éduqués. Ça arrive à tout le monde, ça. Si vous voulez avoir de l'information, allez lire les articles écrits par des journalistes qui ont vraiment étudié pour écrire le français. Mais allez pas encourager des hosties de bouffons qui vont faire des pauses, pis ci, pis ça, pis dans les coulisses, hosties qui engagent le monde à 10$ de l'heure pour écrire des textes, pis quand tu leur dis que c'est de la merde, ils vont commencer à dire « Hey, on dit pas de la merde, nous autres! » Ta gueule, Marc, je sais que c'est toi qui es admin, ferme ta gueule. Fait que sur ça, post-mortem, ça se termine. Dans la bonne j'ai plus de voix. On remercie nos quatre auditeurs. Là. Non, on a plus que ça, mais il y en a qui sont restés jusqu'à la fin. Drekel qui donne un petit comme ça, signe de même dans le chat. On te remercie. Ouais. Merci pendant ce 20 minutes de call-out d'autres podcasts. Hein. Puis je suis désolé de ne pas parler du processus parce que j'écoute juste pas le podcast, je m'en calisse. Hey, mais attends, je vais en parler. Moi, ouais, ouais. J'aime ça parce que c'est différent. Peu importe l'opinion que tu peux avoir sur les deux gars. Jamais écouté. J'aime ça parce que c'est différent c'est un peu de ce qu'il amène. C'est un podcast qui focus un petit peu plus sur les prospects de la ligue. Mathias Brunet. Puis, ouais. C'est Mathias Brunet puis Serge Snake Boisvert. Celui qui parle du développement des joueurs. Snake Boisvert. Puis, Snake. C'est bien. J'ai bien du fun avec ça. Un gars de 50 ans qui s'appelle Snake. C'est juste différent. C'est Simon Boisvert. Son nom. Simon Snake, Simon. C'est agréable. Simon. Juste, il parle de prospect un petit peu. Fait que ouais. Ça l'amène, c'est différent. Plus la de jeunesse, genre. De certains des podcasts qu'on peut entendre. Puis souvent, ils vont avec. Ils vont vraiment creuser loin. Puis j'aime ça qu'ils ramènent. Il y a tout un segment dans les émissions qui ramène un peu tel draft de telle année. Simon, il avait mis quel rang, puis qu'est-ce qui est sorti. Puis le gars, il a l'air d'être super honnête sur « Hey man, je me suis tellement trompé, j'ai été pathétique cette année-là. » Ça a pas comme de sens. C'est comme un Jeff Mallette, mais honnête. C'était, une autre année, c'était « Non, je l'ai bien eu, puis le kit. » Fait que c'était vraiment cool, pour vrai, non, mais... Il calmait ses erreurs. C'est comme un Jeff Mallette, mais calmait ses erreurs. Oh my God. Non. Moi, c'est non possible. Tu sais que j'ai encore regardé le 20$ que j'ai gagné contre toi quand que Galchenyuk avait plus de points que whatever. Quand que quoi? On avait gagé un mané que Galchenyuk a plus de points que Plekanec. Lui disait non, Plekanec va faire plus de points. Galchenyuk n'est pas prêt, puis j'ai gagné. Pour moi. J'ai payé 20$, right? Oui, tu m'en as payé. Je l'ai gardé. On l'a en vidéo. Pour moi, JF est dans le Hall of Fame du hockey podcast. Fait que j'ai rien à dire contre JF. Et voilà. Puis Mathias, je l'aime bien gros. J'ai deux livres signés de lui. Bon, ben, c'est voilà. Fini sur une belle note positive. Mais. Fait que ça fait le tour de la saison, mesdames et messieurs. Moi, j'adore ça. Ben... Mallette, mais... c'est un trésor national. Là, faut faire de faut quoi avec ça. La cerveza masfine. Puis là, j'ai Mallette, du... là, Asti, il dit genre, Mathias, c'est un bon journaliste. Je veux deux livres de... Mais tu sais, là, après ça, il dit... après ça, c'est quoi ça? Après ça, il dit... Mais c'est pas fort. Mais je pense qu'on devrait finir avec du ASMR. Ouais, c'est quoi ça? Des sons très bons. Dave qui va. Donc, on vous remercie d'avoir été là. Les ringolos. Toute la saison, on va vous revoir. Fuck you. On s'en va au draft. On va voir avec notre fuck you money au draft. Le truc, c'est que tu le mets en. Fait que le draft était vendredi le 28 juin. Donc voilà, on devrait être assis dans le salon là-bas en train d'écouter le repêchage et boire des conneries. Qu'est-ce que tu fais du ASMR? Allez? J'ai oublié de quoi. Vas-y Jeff, avant qu'on finisse. Tu sais, un moment donné, il y avait une histoire où ce que le podcast 25 CD s'est fait dire « Ah, on s'est fait appeler par l'agent de Logan Mailloux pour se faire dire d'arrêter de dire de la merde sur lui. » J'aimerais juste clarifier une chose. Il n'y a pas un agent sportif qui va appeler un gars qui a un podcast avec des auditeurs chinois pour te dire « Dis pas de la merde sur mon joueur. » Montre-moi une preuve. Montre-moi ton téléphone avec ton afficheur pour me dire que c'est vraiment le gars. Je vais appeler pour lui demander « T'es-tu l'agent de Logan Mailloux? » Juste pour être sûr. Là. Puis le pire, c'est qu'ils ont commencé à avoir une conversation sur X par rapport à ça. X. Tu le vois que c'est des hosties de menteurs. Là. Tabarnak, ils sont menteurs. Puis je pense que Max Truman doit avoir 57 ans à peu près. Puis Jean Trudel, il est un peu plus jeune. Mais ben, le truc, c'est de ne pas les écouter et de ne pas y aller. C'est ça que j'encourage le monde de ne pas le faire. Commencer toi-même en montrant l'exemple. Je vous ai expliqué pourquoi. Suivez l'exemple. Ne suivez pas ces gars-là. C'est du caca. Et voilà. Ça boucle la boucle. On vous aime, nos auditeurs. On adore les gens dans le chat. Merci Drekel, tout le monde qui était là ce soir sur ce 3 heures de gros délire canadien. On va voir pour le début de la prochaine saison, donc le 28 juin, après ça, fin septembre, début octobre. Ouais, un peu avant que ça commence! Du game! Une jasette l'été, peut-être? Donc, Et voilà, on vous dit bon été tout le monde et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.